parfois des conditions difficiles, mais continue coûte que coûte. L'Ossirée Marseille n'existerait pas si auparavant, 8 ans avant, en 1957, je crois, mais Marianne le confirmera, avait été créé un CIRA en Suisse, à Lausanne au début, je crois. Oui, les gens qui veulent connaître l'histoire des CIRA ont intérêt à rentrer dans la salle. Alors oui, moi je suis un peu la contre vents et marées, la doyenne des CIRA en existence. Le fondateur Pietro Ferrua, malheureusement, est avec nous. Il habite sur la côte ouest des États-Unis. Et c'est malheureusement à cause de lui que tout a commencé. Il a commencé tout petit, arrivant en Suisse comme insoumis italien, et se mettant à recueillir quelques bouquins dans sa modeste mansarde d'étudiant. Et quelques années après, il a été expulsé de Suisse pour avoir eu des activités inavouables. C'était une époque, début des années 60, l'anarchisme ne faisait pas recette. En librairie, il n'y avait rien, aucun travail universitaire. Il y avait quelques militants par-ci par-là qui gardaient la flamme. Mais en plus, le CIRA de Genève avait des ambitions planétaire, voire intergalactique, de conserver absolument tout ce qui pouvait exister sur l'anarchisme, anarchiste ou contre. Et il ne se doutait pas, je pense, à l'époque, qu'il y aurait une telle foison de publications et de travaux et d'écrits et de journaux avec l'évolution du mouvement social et l'évolution des techniques d'imprimerie. Donc, nous avons repris, ma mère et moi, Marie-Christine et moi, nous avons repris le CIRA au pied levé, en 63, sans savoir grand-chose. On aimait les bouquins, on aimait les anarchistes, on savait quelques langues, donc on a essayé de se débrouiller, quinquas. Et assez vite, en 65, justement, on a eu la visite de René Bianco et de quelques autres copains qui voulaient faire des petits CIRA. On se dit formidable, il va y avoir un tas de petits CIRA, ça va être un grand poulailler, ça va cacter, discuter, enrichir le mouvement. De cette époque-là, il n'y a que le CIRA Marseille qui est résisté contre vents et marées et qui est tenu le coup et qui est aussi, je crois, sincèrement, permis au CIRA de Suisse de tenir le coup. Sans cette solidarité constante, sans ces échanges permanents, sans ces encouragements qu'on s'envoyait, on se serait découragé. Il y a eu des années dures, des années où personne ne venait, où on n'avait pas de sous, où on ne recevait pas de journaux, où telle tendance ne voulait pas nous envoyer nos canards parce qu'on avait les tendances de les journaux de la tendance opposée, etc. Et la fidélité de René, avec le soutien de Lily et des amis, et par la suite de plus en plus de gens, a fait que les deux CIRA, la maison mère et ce qui s'appelait auparavant l'annexe de Marseille, ont tenu le coup, ont traversé 68 avec plaisir et crainte de voir agrandir les étagères ad infinitum, et puis ont vu peu à peu se créer d'autres centres de documentation du même genre ou un peu différents, en Italie, peu à peu en Allemagne quand le mouvement s'est reconstitué. En Espagne, dès la mort de Franco, ça a foisonné, et ailleurs encore, et à faire comme ça tout un réseau de bibliothèques où on sait un petit peu ce qu'ont les uns, ce qu'ont les autres, on n'est plus tout seul, on a peu à peu gagné la confiance des militants. Et puis voilà que depuis un an, on est un peu orphelin. Oui, effectivement. Bon, le CIRA a 40 ans, mais l'année 2005 a vu disparaître plusieurs de ses fidèles collaborateurs. Donc, on peut évoquer la figure de Marie-Christine, ta maman, avec qui tu as travaillé au CIRA. Oui, ça a été une belle équipe. C'était une mère et ma meilleure amie, certainement. Ça n'a pas été sans conflit. Mais bon, c'était aussi la personne qui avait la régularité, qui s'assurait que le ménage était fait, que les bouquins rentraient, que on notait les visites dans un agenda. Donc on a une mémoire aussi de ce qu'a fait le CIRA, des visites de René, Lily et Karine, des visites du monde entier, les 17 personnes qui ont dormi par terre une nuit, les grandes soupes qu'on faisait. Et puis bon, l'âge venant, elle a passé les deux dernières années de sa vie sans parler et sans bouger ou guère, mais reconnaissant les gens, heureuse de voir passer les gens, heureuse de voir que ça continuait. Alors heureusement, il y avait une équipe qui s'était un peu constituée petit à petit et qui permet qu'on prenne le relais. Et je crois qu'à Marseille, ça a aussi été le cas, forcément, quand on voit vieillir des compagnons, quand on les voit atteints par la maladie, il faut se préparer à assurer la relève, à changer peut-être des choses. Les choses ne sont pas immuables et à pas forcément vivre dans le culte, mais à transmettre ce qui a été voulu, ce qui a été fait, à poursuivre des initiatives qui sont, je crois, fondamentales pour les contacts internationaux et la mémoire du mouvement, qui n'est pas une mémoire morte, qui est une mémoire vivante, qui est une mémoire accessible, ouverte à tous ceux et celles qui s'intéressent et qui veulent connaître un peu soit les ancêtres, soit les mouvements actuels. Donc là, c'est peut-être le moment de rappeler les buts du CIRA. Les CIRA ont pour vocation de rassembler tout ce qui se produit qui a un rapport avec l'anarchisme sous toutes les formes, aussi bien des livres, des brochures, des films, des disques. Et les anarchistes ont cette qualité ou ce défaut pour ceux qui classent les documents, c'est qu'ils produisent énormément. Par rapport, même encore actuellement, moi par exemple, je relève tout ce qui a un rapport avec l'anarchie chaque année, et je ne pense pas que les autres mouvements politiques, peut-être je me trompe, mais publient autant de choses et dans des domaines très variés, aussi bien le domaine de la culture que de l'économie, que de l'histoire. Donc en 65, dans les années 60, le mouvement anarchiste en France et même à Marseille était peu important. Il y avait peu accès aux documents, il y avait très peu d'éditions de livres. Et comme le faisait remarquer René Bianco là, au début de la brochure là, qu'on a publiée pour retracer l'histoire, faisait partie de ces militants qui pensaient qu'il était important de tout conserver pour les générations futures, comme tu l'as dit, et pour éviter que ça se perdent souvent en cas de conflit ou de décès de militants, où on retrouvait facilement les archives dans les poubelles ou même par des raisons de sécurité, les documents étaient détruits. Donc cette poignée d'anarchistes dont Clotaire, qui est présent ici fait partie, c'est aujourd'hui, comme le CIRA est une association loi 1901, elle est indépendante de tout groupe politique ou tout syndicat. Notre but, c'est d'avoir les meilleures relations possibles avec tout le monde, comme l'a dit Marianne, pour rassembler la documentation et que les chercheurs, les curieux, les militants puissent se faire une idée de tout ce qui se fait autour de l'anarchisme. Enfin, ça peut paraître un peu prétentieux, on va dire qu'on essaye de faire ça. Donc peut-être, Clotaire, nous dire un mot sur tes souvenirs sur René. Les hasards de l'existence m'ont fait rencontrer René Bianco, et je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des relations suivies, puisque c'était tout à fait occasionnel. Et alors je fréquentais à l'époque, parce que j'ai animé un groupe anarchiste à Istres, et au bout d'un certain temps, j'étais le président, le secrétaire, le trésorier et l'unique membre. Alors, je redoute la solitude. Je venais donc à Marseille voir les jeunesses libertaires. J'étais largement leur aîné déjà, mais enfin, ils avaient l'air d'avoir une certaine animation, de s'intéresser à l'anarchisme. de s'intéresser à l'anarchisme. Alors ça me permettait le lundi de réunir les obligations professionnelles qui m'amenaient à Marseille et de participer à leur réunion du soir. Et j'ai remarqué que ce René Bianco que j'avais rencontré par hasard était celui qui s'investissait le plus. Alors je me suis intéressé à lui, parce que des gens qui s'investissent momentanément ou en dilettante, il y en a beaucoup dans les milieux anarchistes. Il doit y en avoir d'autres ailleurs aussi. Et j'ai remarqué qu'il avait du suivi dans l'action, ainsi de suite. J'ai dit, je vais coller à lui. Alors, je n'ai pas, moi, été héroïque et très travailleur, mais financièrement, à l'époque, j'avais un métier qui me mettait très à l'aise. Alors, je faisais ce que je pouvais pour que, quand il y avait des moments difficiles, combler le trou. Oh, je sais pas, je ne suis pas Rothschild, hein, je n'ai pas versé des sommes immenses. Mais enfin, je faisais ce que je pouvais et je le faisais régulièrement. Et je soutenais par là le moral de René Bianco qui se disait, bon, non seulement je suis entouré, mais enfin, il y a des gens qui s'intéressent à mon action. Et René, il avait cette particularité que quand il s'investissait totalement dans ce qu'il faisait, mais alors totalement, au point que sa vie familiale en a beaucoup souffert. C'est un monsieur qui passait sur une semaine, passait une soirée chez lui. Il avait toujours des obligations dans différents milieux. Et grâce à son champ de relations, qui était assez étendu, on a permis à l'organisation qui était devenue Culture et Liberté, ce groupe de jeunes et libertaires était devenu Culture et Liberté, et on est allé de cave en cave, plus ou moins pourri, à travers la ville de Marseille. Et lui, grâce à son champ de relations, nous a amenés pas loin d'ici, dans la rue des Convalescents, qui est un peu plus bas, et dans un local décent, où on pouvait recevoir. Et alors son action, et toujours avec sa force d'investissement, il a fait tout ce qu'il pouvait pour nous motiver. Et moi, comme je ne croyais plus à la révolution libertaire, je m'intéressais toujours à la philosophie anarchiste, alors j'étais très heureux de trouver des gens qui, plus jeunes que moi, se sentaient concernés. Alors je suis resté très proche de ce milieu, et j'ai très très très bien connu René Bianco, avec qui j'étais ami plus de 40 années, je crois 44. Nous ne disions pas toujours la même messe, mais enfin, nous ne nous affrontions jamais, mais nous nous confrontions. Alors c'était très très agréable, parce que René Bianco, en dehors de sa faculté d'investissement dans ce qu'il faisait, était intelligent. Alors discuter avec un homme intelligent, même s'il n'est pas de votre opinion, c'est toujours intéressant. Et alors cette activité qu'il a déployée pendant tant d'années, il le devait à un concours de circonstances exceptionnelles. Il l'a rencontré grâce à une compagne qui, avec une abnégation de 40 années, l'a suivi, l'a aidé, et s'est elle-même investie. Et donc, grâce à sa compagne, qui est présente dans la salle, ça, je la vois, mais je ne vous la désignerai pas, parce qu'elle est modeste, et je ne veux pas la gêner. Et il a, comme ça, pendant 40 ans, fait que le CIRA est devenu ce qu'il est. Et je me souviens, quand il a été question de se rattacher à Lausanne, oui, c'était bien Lausanne au départ, oui. Et on a donc fait ce morceau de chemin ensemble, et je ne connais pas la somme des ouvrages que peut contenir le CIRA de Lausanne, mais pour Marseille, c'est pas du tout négligeable. C'est pas du tout négligeable, il y a beaucoup de documents, et c'est même connu dans les milieux extra-anarchistes. On a vu un jour un metteur en scène venir nous demander des documents. Il cherchait je ne sais quelle carte postale d'une militante anarchiste qui s'était fait connaître dans le passé. Il l'a trouvé au CIRA de Marseille. Et je vous assure que la somme des ouvrages qui est là est grande. Alors on voit de temps en temps des gens qui font des thèses, des gens qui font des mémoires. Ils viennent et ils cherchent des documents qu'ils pourraient espèrent trouver là. Et ils les trouvent souvent, pas toujours, mais ils les trouvent très souvent. Donc nous avons quand même une certaine renommée dans les milieux intellectuels tout au moins. voyez. Et voilà comment j'ai fait 40 années de militance grâce à René, Bianco. Si j'étais resté seul dans ma solitude istréenne, puisque c'est à Istres que ce groupe anarchiste a fonctionné tant que j'y étais, je ne me suis pas trouvé seul, et je me suis trouvé avec des gens qui sérieusement s'investissaient. Des dilettantes et des amateurs en milieu anarchiste, il n'en manque pas. Il n'en manque pas non plus dans d'autres mouvements, je suppose. Hein. Mais en milieu anarchiste, c'est fréquent, des gens qui passent, des météores, et qu'on ne revoit plus. Ou alors qui, le jour où on exige, où on appelle à faire un effort de solidarité, on les voit disparaître parce qu'ils ont peur qu'on fasse appel à leurs ressources financières. Eh bien, ça se trouve ça aussi en milieu anarchiste. Vous voyez ? Donc, on a de grandes joies et on a quelques petites déceptions. Voilà, sur ce, je vais rendre la parole à la personne qui doit la prendre après moi. Ouais, ben, merci pour ton témoignage. Donc, je peux rajouter que donc, René, s'il n'y avait pas eu René, je pense que le CIRA n'existerait pas encore aujourd'hui. Et je voudrais rappeler aux. Vous dire qu'il est l'auteur d'une thèse, il était professeur, mais aussi historien, puisqu'il a passé une thèse qui s'appelle Un siècle de presse anarchiste d'expression française de 1880 à 1983, qui est un travail monumental, qui fait des milliers de pages, et on trouve des fiches sur tous les journaux anarchistes. C'est un outil exceptionnel, bon, qui serait peut-être souhaitable de mettre en ligne un jour. Si quelqu'un a le courage ou les possibilités de le faire. Tu voulais rajouter quelque chose sur René ? Alors parmi les autres amis qui nous ont quittés cette année, là, je vais maintenant évoquer la figure que beaucoup de personnes ici présentes connaissent, de Pepita Carpena, qui est décédée le 5 juin à Marseille. Pepita n'était pas comme René professeur, elle était ouvrière, elle était née à Barcelone en 1919, et elle a participé très jeune aux activités de la CNT, de la Fédération Ibérique des Jeunesses Libertaires, et aussi surtout du mouvement Mujeres Libres, qui était un mouvement d'émancipation féminine libertaire. Alors toute son histoire, elle l'a racontée, elle racontait à toutes les personnes qu'elle croisait, et bon, elle y était très attachée, et bon, elle a pu le voir paraître dans cette collection, La Graine d'Ananar. Quels ont été ses rapports avec le CIRA? Elle était consciente de l'intérêt de conserver des archives. Et elle a commencé à fréquenter le CIRA en 79 à l'occasion d'une exposition qui avait été organisée sur l'œuvre culturelle des anarchistes espagnols en exil. Elle s'est très vite investie dans le CIRA, elle y tenait les permanences, et pendant des années, bon, on peut dire toutes les années 80 et 90, souvent quand les gens allaient au local, c'est elle que les visiteurs rencontraient. Pour elle, la culture faisait partie de son militantisme. Il était important de publier revues et journaux, mais aussi de les archiver pour les générations futures, comme on l'a dit tout à l'heure. Au CIRA, elle s'occupait surtout des archives espagnoles. Elle a trié, classé des dizaines de titres de périodiques, et elle s'est même essayée au catalogage, bon, sachant qu'au CIRA, il n'y a que des bénévoles. Donc on essaye de faire le travail de bibliothécaire, pas toujours bien, mais bon, l'intérêt est d'arriver à retrouver les documents. Et je pense qu'elle a fait son boulot. Bon, elle a été responsable du CIRA pendant des années, puisqu'elle refusait, dans les associations loi 1901, c'est le terme de présidente, mais elle, c'était une coordinatrice. Et elle est venue à l'an 2000 à peu près, à cette époque-là, son compagnon Moreno est décédé. Ça a été terrible pour elle. Et bon, en plus, le CIRA actuel se trouve à un deuxième étage qui était très difficile d'accès. Si des personnes veulent intervenir, ils peuvent le faire à tout moment. Il y a des micro-baladeurs. Donc, si des gens qui ont connu ou les amis qu'on évoque ou qui veulent ajouter quelque chose, ils se signalent et Henri se fera un plaisir de leur porter le micro. Marianne, tu veux ? Sur Opépitoc. Oui, on peut dire aussi qu'elle représentait, elle participait à des colloques et qu'on la voyait souvent en Espagne ou ailleurs. Oui, je crois que Pepita, c'était vraiment la personne vivante, la personne communicative, la personne qui n'avait pas peur des conflits. C'était pas toujours facile. Mais effectivement, depuis la fin du franquisme, elle allait régulièrement en Espagne. Donc elle a aussi beaucoup encouragé la constitution d'archives là-bas, parce qu'au début, il y avait 36 000 publications. On a au CIRA de Lausanne une collection de petits journaux qui s'appelle Bulletin Sanité numéro 0, sans lieu ni date. C'est pas évident de savoir. Alors au moins on note où on l'a retrouvé, où on l'a reçu et tout ça. Et elle était très généreuse de diffuser des choses. Et puis toujours aussi ce côté théâtral qu'elle avait de réciter. Mais elle faisait du théâtre amateur. Et ça, c'était une chose qui était très dynamisante, je pense, pour les gens d'une autre génération, ou dans certains milieux, on n'a pas tellement l'habitude d'avoir des anciens et des anciennes qui sont là bien présents. Alors, Pepita, parmi d'autres, bien sûr, mais je crois qu'elle était un peu, elle a eu pendant ce temps-là ce côté. En même temps, bon, elle était un peu, je crois, propriétaire de la collection espagnole au CIRA de Marseille, où c'était pas forcément accessible à quelqu'un d'autre qu'elle. Non, les collections, je pense qu'elle les mettait à disposition. C'était plutôt des jeunes qui arrivaient, ils étaient mis au boulot tout de suite. Il fallait par exemple nettoyer les vitres. Bon, on les revoyait pas toujours, effectivement. Mais je pense qu'elle a, bon, elle a eu un bon contact avec beaucoup de gens, hein, qui gardent sûrement un bon souvenir d'elle. Bon, on va continuer dans la liste de nos amis disparus avec Antonio Télez. Antonio Télez était membre du CIRA, bon, il habitait à Perpignan, et lui aussi son parcours est intéressant, hein, parce qu'il est né à Tarragone, il avait à peine 16 ans quand éclatait la Révolution, il a pris part au combat contre les fascistes, et il a connu, comme Pepita, Pepita n'a pas connu les camps, mais comme beaucoup d'Espagnols, les camps de concentration, mais lui il est entré en résistance, a participé à la libération de Rodez. Et en 1944, il faisait partie des groupes de guérilleros qui sont rentrés en Espagne par le Val d'Aran. Il continuait à soutenir la lutte armée en Espagne et il était aussi féru d'archives, puisqu'il avait une documentation exceptionnelle sur tout ce qui concernait les guérilleros espagnols. Et quand on regarde sa bibliographie, il a écrit des livres sur des personnages qui vous diront peut-être rien, mais qui ont résisté au franquisme. Comme Sabaté, Facerias, Langulo, Ponsan. Peut-être on va revenir en Suisse avec la figure de André Bossiger. Oui, alors sans André Bossiger, le CIRA n'aurait pas non plus existé, bien que lui, les bouquins, il n'aimait pas. Oh, les vieux papiers, oh. Mais, bon, il voyait que c'était important. André, il venait du Jura. Il était né en 1913, arrivé tout jeune à Genève, en pleine époque où les syndicats du bâtiment étaient plutôt anard et portés sur l'action directe. Ils ont constitué la Ligue d'action du bâtiment, le Lambé, comme ils disaient, qui faisait des sabotages, qui faisait de l'action directe, Et il nous a raconté ça bien plus tard, comme j'étais pas parmi les aînés de gens à qui il racontait, il me disait. Tu crois qu'il y a prescription ? Il a jamais perdu de son allant, de son énergie. Et alors c'est lui qui a trouvé les premiers locaux du CIRA à Genève, qui a construit des étagères, qui a trouvé des chaises, des tables et des machines à écrire. Ensuite, les documents qui n'avaient pas la place dans ce petit local, il les a hébergés dans un de ses dépôts. Ensuite, le CIRA est revenu. Bon, il a un peu navigué entre Lausanne et Genève pendant quelques temps. Et c'était toujours lui qui aidait pour le déménagement, qui trouvait des camionnettes, qui stockait aussi les doublets, les choses inutiles, les étagères, le matériel et tout ça. en plus de choses moins avouables qui étaient stockées. Donc c'était, et puis qui chaque mois envoyait des sous, vraiment extrêmement régulièrement, quelle que soit sa situation financière. Lui, il avait aussi une compagne fidèle qui était sa mémoire, son agenda, présente à toutes les réunions aussi, Coucou, qui est morte il y a plusieurs années. Et, ben voilà, sans cela, on ne serait pas non plus là, bien que, justement, il lisait peu. Alors André, il a quand même raconté ses souvenirs, on a enregistré, c'était un bon narrateur. Il y a un bouquin de lui qui est sur la table de presse qui s'appelle « Souvenir d'un libertaire jurassien », je ne sais même plus, qui a été écrit en collaboration avec Alexandre Skirda. Et puis il y a eu un film de Bernard Bessa où on le voit qui parle et qui raconte des souvenirs, des choses comme ça. Donc il y a des témoignages où on le voit vivant, luttant, lutteur, et plein d'humour, plein de chaleur aussi. C'est vraiment une des personnes qui m'a appris des choses de base, par exemple, à ne pas poser trop de questions. On voit passer quelqu'un, on n'a pas besoin tout de suite de demander d'où il vient, comment il s'appelle, qu'est-ce qu'il a fait. Ou bien il y a un type en tôle, ben, voilà, il est en tôle, on n'a pas besoin de savoir pourquoi, combien de temps. Donc vraiment une solidarité vécue au quotidien, embarquée dans des causes que je n'ai pas toujours partagées, mais... ouais, plus solidaire que ça, c'était difficile. Alors lui aussi, l'âge venant, il a vécu des dernières années assez difficiles et il s'est éteint en avril de cette année, malheureusement, sans qu'on soit prévenu, parce qu'il était pas mal isolé du mouvement et on n'a pas pu faire autre chose que des hommages plus tardifs à sa personne. Alors un autre hommage à une personnalité qui faisait pas partie des SIRA, mais qu'Arthur Lebref, qu'on retrouvera tout à l'heure pendant le colloque, va nous présenter. Il s'agit de Ngovan. Oui, juste un petit mot pour évoquer la figure de Ngovan, un révolutionnaire vietnamien, anti-stalinien, qui a échappé de peu qui s'est battu dans les prisons françaises d'abord sous le colonialisme et puis ensuite. Quand Ho Chi Minh a pris le pouvoir avec sa bande de staliniens, ils ont presque tous été massacrés. Et lui, par une sorte de miracle, enfin, a réussi à passer dans la clandestinité et regagner la France, où il a été lié avec de nombreux groupes révolutionnaires, que ce soit tant du côté de Maximilien Rubel que de Socialisme Barbarie et d'ICO, etc. Et il a évolué lentement vers des positions libertaires. Et bon, pour le centenaire de la mort de Louise Michel ou de Élisée Reclus, eh bien, lui-même, nous fêterons son centenaire dans un siècle. Mais tous ces gens-là, au fond, je peux évoquer aussi vaguement le fils de Victor Serge, qui est mort aussi au printemps, Vladimir Kibalchich, à Cuernavaca, au Mexique. Et finalement, tous ces gens-là, ils ont sans doute disparu, mais ils continuent à nous accompagner par leur exemple, par la fermeté de leurs idées et par le fait qu'ils n'ont jamais renoncé à rien, contrairement à tant d'autres qu'on voit défiler sur toutes les scènes. Avant de laisser la parole aux intervenants du colloque Mario Jacob, on va peut-être des interventions dans la salle, des questions. Donc, je vais appeler... C'est simplement pour rappeler que les anarchistes, bon, ont leur position, mais ils ont aussi une influence, et ils, à certains moments de l'histoire, comme dans les années 60, où il y avait la guerre d'Algérie en France, et où moi, j'aurais dû la faire, on était un certain nombre de gens à refuser d'y aller, et les soutiens qu'on a eus, c'est souvent en allant, par exemple, en Suisse, où j'ai connu Pietro Ferroy, Bösiger, etc., et où j'ai pu, en ce qui me concerne particulièrement, quitter le sol national dans l'illégalité, et grâce aux anarchistes, justement, échapper à ce rôle infernale que la France voulait nous faire remplir de l'autre côté de la Méditerranée. Et il faut dire que Boisiger, par exemple, a joué aussi un grand rôle, je me rappelle, dans une autre période, et nos amis suisses aussi, et c'est au moment de 68. Et si je me trompe, quand Cohn-Bendit voulait rentrer en France, c'est plusieurs fois grâce à Boisiger qu'il passait par Genève, si je me souviens bien. Donc et il y a dans la participation des anarchistes à la vie générale des idées libertaires au sens très large, un rôle que plusieurs personnes liées au CIRA ont joué quand même de façon effective, pas seulement idéologique. D'accord. D'autres questions ou interventions, témoignages? Alors, nous allons changer d'époque, nous allons partir à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, jusqu'à la moitié du 20e siècle d'ailleurs, avec la figure d'un Marseillais, Alexandre Marius Jacob. Pour les 40 ans du CIRA, nous avons décidé de rendre hommage à cette figure marseillaise qu'est Alexandre Marius Jacob. Et toujours de la même façon, nous allons donner la parole à quelques intervenants et à la salle. N'hésitez pas, lorsque vous aurez des commentaires ou des questions, simplement la seule chose que je vous demanderai, c'est de veiller à ne pas parler les uns sur les autres pour que les choses soient audibles. Je pense que nous pourrions commencer. Je vous présente Madame Josette Duc-Passas, qui fut la dernière amie, compagne de Marius Jacob. Et je pense que nous pourrions commencer par écouter ce qu'elle a à nous dire de ce personnage que nous aimons tous, mais qu'elle a aimé entre tous. Prends le micro comme ça. Voici ma rencontre avec Alexandre Marius Jacob. En 1950, je me suis mariée avec Robert Passas. Nous habitions à Romans, dans la Drôme. Il a lu le livre d'Alain Sergent, un anarchiste de la Belle Époque. Il a été passionné par ce personnage et par sa vie. En 1951, il est allé le voir à Reuilly, à bicyclette, plus de 400 km. Il a été bien accueilli par Marius Jacob, qui lui a dit « Tu peux revenir avec ta compagne ». Ce que nous avons fait l'année suivante par le train, parce que nous n'avions toujours pas de voiture. J'ai été conquise par cet homme, sa gentillesse, son intelligence, sa jeunesse d'esprit, son humour, son passé de lutte et de souffrance. Nous étions enseignants. Nous partions pour le Maroc où nous venions d'être nommés. En 1953, aux vacances, nous sommes allés à Reuilly en voiture. Marius nous a fait part de son désir de mettre fin à ses jours car il ne voulait pas vieillir à l'hôpital ni encombrer ses amis. J'ai réussi à lui faire reculer l'échéance d'un an en lui promettant de venir le voir l'été suivant. Nous repartions pour le Maroc. Il m'a écrit chaque jour de l'année et j'ai répondu à chacune de ses lettres. Aux vacances de 1954, je suis venue passer le mois d'août avec lui. Il était très heureux. J'avais 27 ans, lui 75. Les gens du village étaient intrigués. Il leur disait « C'est ma fille ». Mon mari se réjouissait de cette relation car il aimait beaucoup Jacob. J'ai essayé de le faire renoncer à son projet, mais en vain, car il était très déterminé. Sa mort a été un déchirement pour moi et pour mon mari. Je ne l'oublierai jamais. Il est toujours dans mes pensées et dans mon cœur. Alors, j'ai apporté la montre qu'il m'a donnée. C'est une montre qui marche pendant 8 jours. On la remonte assez longtemps. Malheureusement, elle est tombée et je ne retrouve personne pour fabriquer le ressort qui est très très lent. Alors cette montre, j'ai sa photo chez moi, là, avec la montre, avec une petite veilleuse. Et je pense beaucoup à lui, car comme Tolstoï, je pense que l'homme est mort, mais sa position par rapport à l'univers continue d'agir sur les hommes, et non seulement comme pendant sa vie, mais encore avec une force bien plus grande. Et son action s'étend dans la mesure de ce qu'il a eu de raison et d'amour. Comme tout ce qui est vivant, elle s'accroît sans interruption et sans fin. Voilà, je peux vous lire aussi un poème. Mon mari écrivait des poèmes. Il a été bouleversé, naturellement, par la mort de Marius, et il a écrit ce poème. D'un arbre. J'aime les arbres. J'en avais un immense et fier, la branche tendre et le tronc dur. Les oiseaux, chaque matin, décoiffaient son feuillage. Un vent d'exception l'habitait. Il s'est couché hier soir, en beau seigneur, entre la cabane et l'étang, front vigoureux en ordre dans la figure du jour. Torsade de pieuvre, enclume au bûcheron. Dans la forêt grouillante, à tout moment, j'entends le hurlement des haches qui s'acharnent, et j'ose à peine y croire. À ce bois mort au temps fixé, à ce grand corps si riche et noble, et maintenant désencombré. J'ai apporté une de ses lettres, j'ai conservé toutes ses lettres, et je vous en ai apporté une, si ça intéresse quelqu'un. Alors, on me questionne souvent sur cette relation amoureuse que j'ai eue. Alors, je peux simplement dire une phrase de Rainer Maria Rilke, qui écrivait à un jeune poète. Les choses ne sont pas toutes aussi saisissables, aussi discibles, qu'on voudrait en général nous le faire croire. La plupart des événements sont indicibles. Ils s'accomplissent dans un espace où aucun mot n'a jamais pénétré. Voilà. Alors. Si vous voulez poser des questions... Je crois qu'on peut déjà vous remercier pour l'émotion et le vivant de ce témoignage, je crois. J'ai beaucoup d'émotions à parler. Bien sûr. Et nous, à entendre aussi. Mm-hmm. Et je pense que peut-être que certains d'entre vous voudraient poser des questions. Henri. C'est en lisant le pavé de l'insomniaque sur Jacob que j'ai découvert votre nom ainsi que celui de votre mari, et en particulier lorsqu'il écrit ses repris dans Défense de l'homme, publié par Le Coin, où vous dit, mais il y a des choses intéressantes qui se font dans l'enseignement, en particulier la pédagogie Freinet. Et c'est, comme je suis un des responsables du mouvement Freinet, en particulier sur le cinéma, j'ai une petite question à vous poser à ce sujet, parce qu'on n'a pas la suite. Si vous avez, au niveau pédagogique, appliqué les conseils qu'il vous donnait. Je n'ai pas tellement compris votre question. Oui, bon, est-ce que vous avez, suite à ce qu'il vous disait, il y a des choses intéressantes qui se passent dans le cadre de la pédagogie Freinet, et Marius Jacob, vous avez écrit en disant est-ce qu'il faudrait aller voir de ce côté-là? Alors la question que je vous pose, est-ce que vous avez eu une relation pédagogique avec le mouvement Freinet? Oui, je suivais le mouvement Freinet parce que j'étais enseignante en maternelle, et à l'école maternelle, on peut appliquer toutes les méthodes qu'on veut. Et je faisais de la méthode Freinet et d'autres méthodes. Je faisais Montessori, je faisais l'école maternelle française et le haut lieu de toutes les interventions, de toutes les innovations. Alors j'ai fait un peu toutes les pédagogies, oui, c'est vrai. Autre question ? Bonjour, je me suis toujours demandé, Marius Jacob, ici, oui. Marius Jacob, je me suis toujours demandé quelle était sa position à la fin de sa vie quant à la possibilité, l'avènement d'une société anarchiste. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Je crois qu'il avait perdu beaucoup de ses illusions. Et il était, oui, toujours anarchiste de cœur. Mais il était quand même déçu par la société, le gouvernement et tout. Il avait quand même perdu beaucoup de ses illusions. Est-ce que vous avez d'autres questions, je veux dire immédiates, puisque nous allons passer l'après-midi en compagnie de Marius Jacob, Alexandre. Avez-vous d'autres questions immédiates à poser à Josette. Si vous le permettez, en ce cas, je vous propose que nous écoutions Jean-Marc Delpech, qui étudie la biographie d'Alexandre Marius Jacob depuis 6 ans maintenant, et qui va nous faire une présentation de ce personnage. Voilà. Merci. Effectivement, le problème, c'est pas tant présenter le personnage parce que tout le monde connaît sa geste. Moi, ce que je voudrais faire ici, c'est en finir avec un personnage imaginaire, hein, à savoir le héros de Maurice Leblanc. Il n'empêche que, si vous avez pu remarquer, l'heure est aux commémorations et on en fait une à l'heure actuelle. Mais le samedi 23 octobre 2004 à Reuilly, c'est à 15 km au sud de Vierzon. Claude Néron, dont vous avez ici un extrait de son exposition, et Patrick Bertrand, adjoint au maire de la commune de Reuilly, inaugurait l'impasse Marius Jacob. Et on peut trouver cela caustique, hein, mais après tout, pourquoi pas? Le Val-de-Loire a ses châteaux, le Berry a ses sorcières et Reuilly aurait Arsène Lupin. Il n'empêche que si jamais vous passez par Reuilly, poussez la porte de la boulangerie, le Prieuré. Et vous pouvez commander 2 petits gâteaux. Le premier, c'est le Marius et le second, c'est le Lupin. Et on nage toujours comme cela dans cet amalgame facile entre le réel et la fiction. Toujours en octobre de l'année dernière est sorti un film qui s'appelait Arsène Lupin, plus ou moins mauvais, plus ou moins bon, ça c'est selon. Il n'empêche que le film sortant, on a la presse nationale qui va s'emparer faire la promotion. Je prends 2 exemples, ici Paris le 25 octobre, l'incroyable histoire du vrai Arsène Lupin, avec la photo de qui vous savez. Et je prends la presse régionale maintenant, le Berry Républicain du 7 novembre qui relaye à l'inauguration de l'impasse Marius Jacob. Arsène Lupin termina sa vie en Berry. On trouve cet amalgame même dans les revues de vulgarisation historique, notamment en novembre 1989, sous la plume de l'historien de la police Jean-Marc Berlière qui donne à la revue L'Histoire un article non évocateur, Alexandre Jacob, 2 points, gentleman cambrioleur. Et plus récemment, la revue d'histoire populaire Gavroche, qui va donner un article à Marius Jacob, révolté à vie. Alors très bien, là, n'apparaît pas Arsène Lupin. Le problème, c'est que le surtitre marque un modèle pour Arsène Lupin. Alors, si on regarde, on tente de chercher pourquoi cette référence constante entre l'anarchiste illégaliste et le héros de fiction, on s'aperçoit que tous ces articles, toutes ces émissions de radio, puisqu'il y en a eu une dernièrement au mois de juin 2004 sur France Inter, les questions de l'histoire, où Jean Favier et Henri Amouroux se posaient la question « Quand les anarchistes inspiraient les aventures d'Arsène Lupin ?» On s'aperçoit qu'il y a trois sources essentielles, et que parmi ces trois sources, ben, nous on peut en retenir une d'acceptable, hein, c'est celle d'Alain Sergent. Les deux autres sont de vagues émanations romanesques. Il n'empêche que ces vagues émanations romanesques, ce sont elles qui vont tirer le personnage de Lupin. Donc, il faut quand même retenir que Sergent est le premier quand même à véhiculer cet amalgame, puisque en août 1964, dans la revue Historia, il va donner un article avec Gilbert Guilleminot. Hein, Gilbert Guilleminot, c'est le roman vrai de la République. Hein, et c'est comme Sergent, c'est un collaborateur pendant la Seconde Guerre mondiale. Cet article s'appelle « L'homme qui servit de modèle à Arsène Lupin ». Finalement, on navigue, hein, et on finit par un peu se mordre la queue, quoi. Alexandre Jacob serait l'inspirateur d'Arsène Lupin. Pourquoi Sergent en arrive là? Ben, c'est tout simple, parce qu'en faisant baisser l'aspect anarchiste du personnage, on surélève l'aspect aventurier, et on tombe dans un modèle commercial Arsène Lupin. Maintenant, en 1995, sort des presses de l'Insomniac, la première édition des écrits. Et ces écrits donnent la parole à deux hommes, deux amis d'Alexandre Jacob, à savoir Guy Denisot à Lussault-sur-Loire et Pierre-Valentin Berthier à Paris. Alors Guy Denisot écrit à propos d'Alexandre peu ressemblant, car Jacob était socialement déterminé, tandis qu'Arsène Lupin est un dilettante de la délinquance philanthropique. La phrase est assez jolie. Hein. Il n'empêche que on a chez ces deux personnages ce refus de l'amalgame. Tout le monde ne l'a pas fait. Hein. En novembre 1965, Romain Lindon, dans Les Miroirs de l'Histoire, se penche, pose la question, mais finalement, comment a pu naître Arsène Lupin? Comment a pu naître ce héros littéraire? Et s'il va chercher, bien sûr, Alexandre Jacob n'est pas le seul à être cité. Et il dit, ben, finalement, Maurice Leblanc, il a pu aussi très bien prendre chez Vidocq, il a très bien pu prendre chez Antelme Collet, il a très bien pu prendre chez Rocambole ou d'autres par le passé. Enfin, c'est les Anglais. Oui, on va en parler après. En fait, il faut bien se placer dans ce contexte de la Belle Époque. Hein, puisque le procès d'Amiens qui fait finalement la popularité d'Alexandre Jacob a lieu du 8 au 22 mars 1905 et Arsène Lupin lui naît le 6 juillet 1905 dans les colonnes de Je sais tout, hein, le magazine de Pierre Lafitte. On est dans la Belle Époque et on vit dans un sentiment d'insécurité exacerbé, un double sentiment exacerbé. Notamment par le fait qu'une presse s'est emparée du fait divers et le procès d'Amiens met en avant un fait divers peut-être plus extraordinaire que les autres, hein, puisqu'on y juge un homme avec 150 cambriolages. Un sentiment d'insécurité exacerbée, notamment aussi par le fait que la révolution industrielle a donné l'idée que on allait vivre dans une vie meilleure et là le fait divers vient tout casser cette impression là du coup le fait divers en appelle à la répression de la question ce fait divers permet de faire passer outre, hein, la question sociale par le but de la répression. Le procès d'Amiens, donc du 8 au 22 mars, du 8 au 22 mars 1905, montre ce double aspect de l'insécurité, de la paranoïa sécuritaire. Et on le voit très bien à Amiens, puisque à Amiens, pendant le procès, on a 3000 militaires qui vont garder la ville. D'où le fait que finalement, Alexandre Jacob, par le simple fait d'une présence militaire importante et d'une couverture médiatique, puisque si je me réfère à l'insurgent, il me semble que, texto hein, de mémoire, il a dû dire toute la presse française était là, et même 10 reporters étrangers. Ce qui fait que finalement Leblanc n'a pas pu éviter Alexandre Jacob. De même qu'il n'a pas pu éviter le thème de cette insécurité, hein, puisque la France a peur des Apaches, elle a peur des bandits d'Hasbrook, elle a peur des crimes de Levaché, etc., etc. Mais il n'a pas pu non plus éviter le thème du cambrioleur, qui est un thème qui est à la mode à l'époque. Alors pour vous faire comprendre ça, ce thème du cambrioleur, qu'on peut mettre en parallèle avec cette insécurité, il existe bien avant Arsène Lupin. 1897, un certain Georges Hippolyte Adrien, que vous connaissez sous le nom de Darien, écrit Le Voleur. 1898, l'anglais Ernest William Hoffnung écrit Rafle, gentleman, cambrioleur amateur. Alors, très intéressant ce Hoffnung, parce qu'il est quand même le beau-frère de Arthur Conan Doyle. Et en 1905, ben, comme par hasard, Maurice Leblanc écrit Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vers 1899, Maurice Leblanc avait écrit une nouvelle qui s'appelait Le Gentleman. Ne pas oublier non plus que dans la genèse d'Arsène Lupin, il y a un aspect commercial. Alors oui, peut-être éventuellement Alexandre Jacob, inspirateur d'Arsène Lupin, mais Arsène Lupin est aussi une œuvre commerciale. Hein, c'est Pierre Lafitte, directeur de Je sais tout, qui demande à Maurice Leblanc de créer un héros à la façon de Sherlock Holmes, avec des spécificités françaises. Il faut que son héros soit un peu gouailleur, un peu voleur, un peu retors aux autorités instituées. Et le 6 juillet 1905, la première nouvelle de Maurice Leblanc paraît, c'est l'arrestation d'Arsène Lupin. Deux jours auparavant, le 4 juillet, Alexandre Jacob est condamné par la cour d'assises du Loiret à 20 ans de bagne, à 20 ans de travaux forcés, et ces 20 ans viennent se superposer à la peine prononcée à Amiens, c'est-à-dire celle des travaux forcés à perpétuité. La question donc se pose, finalement, Maurice Leblanc a-t-il assisté au procès d'Amiens? Alors d'après ce que nous a écrit la petite fille de Maurice Leblanc, ben non. Là on ne peut pas trancher, les sources sont impossibles. La seule chose qu'on puisse dire, c'est que Maurice Leblanc travaillait pour le journal Gil Blas, mais que les articles du journal Gil Blas relatant le procès d'Amiens étaient anonymes. De plus, Maurice Leblanc n'est pas un journaliste, c'est un chroniqueur. Donc, généralement, il ne quitte pas Paris. Hein, il ne couvre pas l'actualité ni le fait divers. En revanche, à Gil Blas, on trouve aussi un autre personnage qui s'appelle Georges Pioche, qui travaille aussi au Libertaire et qui, dans le numéro du 1 au 8 avril 1905, donne un des rares articles du Libertaire qui soit favorable à Alexandre Jacob, où il parle d'un beau spécimen de virilité et de raison libre. Hein, une façon d'apôtre agissant de façon catégorique. Donc, une fois de plus, hein, Leblanc n'a pas pu échapper à l'affaire Jacob. Ça, c'est une évidence. Finalement, s'il n'a pas pu échapper, on pourrait dire oui, Alexandre Jacob, c'est l'inspirateur. Ben non, en fait, hein, Alexandre Jacob n'est pas Arsène Lupin, même s'il y a des points d'achoppement. Les points d'achoppement, c'est la concordance des temps, on vient de le voir, procès d'Amiens, parution de Je sais tout. C'est l'aspect technique et spectaculaire des vols. Et là, c'est peut-être la seule allusion qu'il existe d'Alexandre Jacob dans les papiers qu'on a pu trouver de lui, où il écrit à Robert Passas en disant bah, « Écoute, comme aspect romanesque, c'est très bien, mais techniquement, c'est complètement stupide. » Et il rajoute et dire que c'est un des plus gros succès de Libéry. Mais n'empêche que l'aspect spectaculaire des vols est ressemblant à juste deux choses. La deuxième nouvelle, c'est Arsène Lupin en prison. Et dans cette deuxième nouvelle, Arsène Lupin organise le cambriolage du baron Nathan Cahorn de la prison. et un vol assez extraordinaire. Et de l'autre côté, bon, finalement, Jacob, il a quand même organisé le vol de la rue Quincampoix, qui a inspiré le film de Jules Dassin, du Rififi chez les hommes, où on voit les cambrioleurs percer un trou au plafond avec un parapluie, pour éviter que les gravats ne tombent et ne fassent du bruit. Rapprochement aussi par l'identité. Arsène Lupin, c'est l'homme aux mille visages, et Maurice Leblanc insiste dans la première nouvelle en disant « Arsène Lupin, je ne le connais pas, à chaque fois que je l'ai vu, c'était pas le même homme. » Alexandre Jacob, c'est un peu pareil, il suffit de rappeler qu'il avait acheté un lot de friperies à Montpellier, et que au procès d'Amiens, il a dit « Ah, mais des identités, des états civils, j'en ai eu une centaine, dont certaines en bonne forme. » Signature, ah oui, si ces deux hommes passent inaperçus, alors Lupin plus longtemps que Jacob, mais Jacob c'est quand même 3 ans, et pour une bande de voleurs, les travailleurs de la nuit, c'est énorme, 3 ans. Si ces deux hommes passent inaperçus, il faut quand même qu'on les reconnaisse, et une des particularités communes, c'est la signature des vols. Lupin laisse des billets, tandis que, et Jacob aussi. Pour Lupin, c'est Arsène Lupin repassera quand vos meubles seront authentiques, tandis qu'Alexandre Jacob, avec certainement plus d'humour, va dire au juge Hulot du Mans en 1901, au juge de paix, nous déclarons la guerre. Dans les deux cas, les vols servent à affirmer la propriété de l'acte. Pour Lupin, c'est « Regardez, je suis Urpin ». Lupin, ça sert à affirmer son ego. Tandis que pour Jacob, c'est « Regardez, c'est un acte politique ». Une phrase comme « Au juge de paix, nous faisons la guerre » ou encore « À la cathédrale du Mans, je crois, c'est « Dieu des voleurs recherche les voleurs de ceux qui en ont volé d'autres ». Il n'empêche que, en mettant un billet comme cela, on affirme un acte éminemment politique. Autre similitude, c'est un journal à la solde des deux hommes. Lupin à l'Écho de France. Et l'Écho de France apparaît dès les premières aventures, et c'est même l'Écho de France qui va annoncer l'évasion d'Arsène Lupin. Tandis que pour Alexandre Jacob, on a Germinal à Amiens. Germinal, c'est un journal anarchiste qui est créé fin décembre 1904. Et si on regarde le premier numéro de Germinal, on a une liste de souscripteurs dans laquelle apparaissent à peu près tous les anarchistes picards. Et tous versent une somme d'environ entre 50 centimes et 1 franc. Qui pour l'époque est énorme. Et parmi la liste, on a donc des noms, et apparaît un Alexandre qui donne 220 francs. Sans commentaire là aussi. Et Germinal sera le seul journal prenant ouvertement la défense d'Alexandre Jacob, publiant ses textes, ses déclarations, mais aussi ceux des membres des Travailleurs de la Nuit, savoir Léon Pélissard, Félix Bourg, Marius Bodi et Jacques Sautarel. Et dernier point commun, c'est l'absence de sang. Les deux hommes ne tuent pas, a priori. Je dis bien a priori parce que on s'aperçoit que Lupin, il va étrangler Dolores Kesselbard dans 813. Il va pousser au suicide le roturier Daubrec dans le bouchon de cristal. Et Lupin, lui, il va tirer sur l'agent Couillot à Orléans en 1901. Alexandre. Oui, Alexandre, pardon. Alexandre Jacob va tirer sur l'agent Couillot à Orléans en 1901. Donc cette absence de sang met en valeur en fait deux personnages relativement extraordinaires, mais le problème c'est qu'ils sont complètement différents. Pour au moins 4 raisons. La première, c'est que Lupin est un chef de bande, et on voit mal un Jacob anarchiste faire dans le diktat. Au mieux, on peut parler d'Alexandre Jacob en tant qu'organisateur extraordinaire, ça c'est un fait, mais il faut bien retenir que les Travailleurs de la Nuit, c'est une association libre de voleurs agissant au coup par coup. Je prends juste l'exemple du vol de la rue Quincampoix, c'est Alexandre Jacob, Honoré Bonnefoy et Jules Clarençon. Pour d'autres vols, vous ne trouverez pas les mêmes personnages. Le mobile des vols est différent. Pour Lupin, on a un peu le profil d'un Robin des Bois. On va voler aux riches, mais la différence de Robin des Bois, c'est que Lupin garde tout pour lui. Tandis qu'Alexandre Jacob, lui, verse à la cause. On sait par les écrits de Sergent qu'il a financé les nouveaux locaux du Libertaire, rue d'Orcel, c'est-à-dire au pied de Montmartre, à Paris. On sait aussi par Jeanne Humbert qu'il organisait des fêtes après ses tournées, ce qu'il appelle ses tournées, hein, ses cambriolages. On sait, si on lit bien les écrits d'Alexandre Jacob, qu'il a financé la guerre sociale de Gustave Hervé, et ainsi de suite. D'ailleurs, la police sera extrêmement étonnée de voir qu'un homme à qui la presse donne 5 millions de francs de cambriolage en 3 ans, ce qui est énorme, ce qu'il faut parler en francs avant les francs Poincaré, cette presse sera extrêmement étonnée de voir que le bonhomme vivait en garni et mangeait dans des gargotes à dessous. Et enfin, finalement, ces deux êtres sont totalement différents parce qu'ils ne sont pas du même monde social. Finalement, Lupin, c'est le monde de Lupin, c'est le monde de Leblanc. Une chose pour vous en convaincre, les premières lignes de la première aventure d'Arsène Lupin, qui commence comme ceci. L'étrange voyage. Il avait si bien commencé cependant. Pour ma part, je n'en fis jamais qu'il s'annonçât sous de plus heureux auspices. La Provence est un transatlantique rapide, confortable, commandé par le plus affable des hommes. La société la plus choisie s'y trouvait réunie. Les relations se formaient, des divertissements s'organisaient, nous avions cette impression exquise d'être séparés du monde, réduits à nous-mêmes, comme sur une île inconnue, obligés par conséquent de nous rapprocher les uns des autres. Finalement, le monde de Lupin, c'est le monde de Leblanc. Né le 11 novembre 1854, fils d'un industriel normand, mais monté à Paris malgré le refus de son papa parce que M. Leblanc Maurice a la fibre littéraire. Et malgré quelques succès d'estime, Maurice Leblanc ne connaît pas un succès immédiat. Hein, ça ne l'empêche pas de fréquenter des soirées mondaines à Paris et de se faire embaucher comme chroniqueur littéraire, notamment au Figaro et à Gilles Blas. Alexandre Jacob, lui, il est issu de classes nettement plus populaires, hein, notamment les classes populaires de Marseille, et c'est là, dans cet esprit-là et dans ce milieu-là, que se forge son anarchisme, complété bien sûr par ses voyages à travers le monde, à bord des compagnies, des messageries maritimes. Il le dira à son procès, j'ai vu le monde et il n'était pas beau. Et en fin de compte, on a deux évolutions différentes. Si Lupin est un dilettante au départ de la délinquance philanthropique, pour reprendre Pierre-Valentin Berthier, Lupin évolue avec Maurice Leblanc, on est en 1914, vers le nationalisme et la germanophobie. Il suffit de regarder 813, hein, où Lupin vole les plans de sous-marins allemands et brave les services secrets de l'empereur Guillaume Ier. Pire encore, Lupin est un flic. Hein, il est l'inspecteur. Il est le commissaire Le Normand dans 813, mais il est aussi Victor Autin dans Victor de la Brigade Mondaine. Et il peut même être détective privé dans l'agence Barnett et compagnie. On voit mal Alexandre Jacob s'ériger même en justicier. En fait, on peut dire que Maurice Leblanc conçoit son voleur comme l'émanation des vertus bourgeoises perdues, puisque toutes les victimes de Lupin sont des bourgeois fin de siècle, hein, c'est-à-dire ceux qui vont spéculer en bourse. Et à travers les victimes de Lupin, il fait le constat d'une bourgeoisie arrogante, décadente. Et c'est là, une fois encore, c'est l'exemple du baron Cahorn qu'on voit dans le deuxième épisode d'Arsène Lupin, ce baron dont le château s'appelle Malaquis. Lui, Alexandre Jacob, ne spécule pas, il ne vole pas en bourse, mais en revanche, il a choisi un moyen de lutte contre la société capitaliste, le vol. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Jean-Marc pour toutes ces remarques très précises. Voilà un contresens que nous ne ferons plus désormais quand on t'a entendu. Je vois déjà des mains qui se lèvent dans la salle. Je vais vous donner dans 2 minutes la parole. Mais je vous demande la permission de poser une question à Josette d'abord. Je voudrais savoir Qu'est-ce que vous pensez de cette assimilation entre Arsène Lupin et Jacob, vous-même? Qu'en pensez-vous? Oui, j'ai toujours pensé que c'était une erreur. Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Marc. Les deux personnages étaient très différents, d'abord au point de vue idéologie, à tout point de vue. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Jean-Marc. Merci beaucoup. On a demandé la parole là, si tu peux donner. Et ensuite, Arthur, si tu peux venir t'installer. Merci. En fait, je voudrais demander à la dame, et parce qu'en fait, je pense que Marius Jacob, parce que j'en ai lu, il n'a pas choisi vraiment quoi d'être voleur. En fait, c'est parce qu'il était anarchiste qu'il a dû devenir voleur. Mais au départ, il travaillait, il faisait des métiers plutôt durs, parce que j'étais marin pêcheur, je peux en parler quoi. Et donc c'était des métiers plutôt durs, surtout à l'époque. Et c'était pas un choix, c'est les flics, à force d'aller le voir à son boulot, de harceler ses patrons, donc qui ont dû, parce qu'il travaillait bien en plus, enfin, il était exemplaire à son travail, tout ça, enfin, voilà. Donc je pense qu'en fait, il l'a pas choisi, c'est le système qui l'a poussé à ça, quoi. Je pense que c'est pas seulement le système. Enfin, quand il a découvert le monde, quand il a observé ce qui se passait dans la société, il a été frappé par la grande injustice, c'est-à-dire les riches et les pauvres, et les pauvres qui sont exploités par les riches. Et cette injustice l'a révolté, parce qu'il avait quand même un tempérament très, en lui-même, très révolutionnaire, et il a été révolté, et il a voulu, à son niveau, rétablir une espèce de justice, d'équilibre, et c'est une sorte de vocation qu'il a eue, de vouloir rétablir un peu la justice. Il disait, je partais avec ma boîte à outils, j'allais travailler. Pour lui, c'était un travail, c'était ce qu'il avait à faire. Voilà, je pense, il me l'a expliqué comme ça. Si je puis me permettre, pour l'entrée en anarchie d'Alexandre Jacob, il y a un fait bien précis, c'est 1897. Il écrit dans les souvenirs racis à Jean Métron, mais il est vérifiable dans la presse. C'est l'arrestation pour fabrication d'explosifs. Il n'en demeure pas moins que si vous regardez la presse de l'époque, celle d'ici, celle de Marseille, on s'aperçoit qu'en 1897, donc Alexandre Jacob est arrêté pour fabrication d'explosifs sur la dénonciation d'un indicateur qui s'appelle Le Cas. Ça, c'est la version Alain Sergent, qu'on peut le compléter autrement, notamment en regardant la presse de l'époque, puis qu'on s'aperçoit qu'en 1897, il y a un voyage présidentiel dans le Midi et qu'à l'occasion on arrête deux anarchistes, c'est tout, et qu'en 1897 on est encore dans la tête des gens, dans la peur de la marmite, dans la peur de la propagande par le fait, et bref, on a peut-être éventuellement une provocation policière qui fait qu'on a un gamin de 17 ans qui est envoyé 6 mois à la prison Chaves et puis à Aix-en-Provence. Oui. Est-ce que, puisqu'on est dans Marseille, Aix-en-Provence, est-ce qu'on pourrait raconter, parce que moi j'adore écouter cette histoire, le coup qu'il a fait à deux pas d'ici, son premier acte, peut-être rapidement, et son passage à Montperrin, à Aix-en-Provence aussi. On est le 31 mars 1899, et trois hommes, hein, d'une écharpe tricolore, rentre à... c'est rue Saint-Charles ? Non. Oui, rue Saint-Charles. Oui, rue du Petit Saint-Jean. Rentre dans les locaux du Mont-de-Piété et prennent le sieur Gilles à partie, donc le commissionnaire, en lui disant qu'ils sont de la police. Ils montrent leur carte professionnelle. et il commence à faire l'inventaire de ce que possède le sieur Gilles, en lui faisant croire que parmi ces objets, certains ont été volés. Et l'inventaire va se poursuivre pendant des heures, des heures, des heures et des heures. Et ils finissent par tout embarquer, à mettre dans des charrettes. Ils embarquent même le sieur Gilles et son employé, qu'ils arrêtent comme receleurs. Et ils décident de le déposer illico presto au tribunal de Marseille. Le problème, c'est qu'il est tard, hein, c'est 6 heures, et les fonctionnaires, à partir de 6 heures, ne travaillent pas. Donc il n'y a plus personne au tribunal de Marseille, et on met le monsieur Gilles et son employé au Newf. Et le lendemain, le matin, on s'aperçoit que il fallait peut-être entendre les pleurs de monsieur Gilles et de son employé, puisque les trois hommes qui se sont fait passer pour des hommes de police n'en sont pas. Hein, et à ce moment-là, Alexandre Jacob, Roch et Morel sont en Espagne. Le lendemain, c'était le 1er avril 1899. C'est depuis qu'en fait le 1er avril. Voilà. Et de cet événement, Alexis Danan dira que ben, il a fait rire la France entière. Maintenant, pour l'épisode de l'asile d'Aix-en-Provence, c'est de retour d'Italie, Alexandre Jacob s'arrête à Toulon et il est dénoncé par un camarade. Et c'est vrai que ça me fait penser à une chose. L'histoire d'Alexandre Jacob est une éjonchée de dénonciations. Il est arrêté. Le problème, c'est que entre le vol au Mont-de-Piété et son arrestation à Toulon, c'est-à-dire 5-6 mois, le vol a été reconnu et Jacob a été jugé par contumace et condamné à 5 ans de prison. Et il sait que il lui reste qu'une solution, c'est simuler la folie. Hein, il dit qu'il va tellement bien la simuler que finalement il est placé en observation à l'asile d'aliénés Montperrin à Aix-en-Provence. Il se dit poursuivi par les jésuites. Il refuse de voir ses parents, etc. etc. quoi. Et on s'aperçoit qu'en fait les médecins n'étaient pas dupes. Hein, dans les pièces d'archives qu'on a pu retrouver aux archives contemporaines de Fontainebleau, il y a des rapports de médecins qui s'aperçoivent que finalement on avait un petit doute que Alexandre Jacob en faisait peut-être un peu trop et qu'il est mis en observation. Et il n'en demeure pas moins qu'au mois d'avril 1900, Alexandre Jacob, par la complicité d'un infirmière avec qui il s'était lié d'amitié, Marius Royer, parvient à s'évader. Marius Royer ayant fait le contact avec les anarchistes d'Aix-en-Provence et de Marseille qui sont venus, qui lui ont escazaladé par les toits, ont fracassé le vasis d'As, ont jeté une corde, et voilà notre homme qui s'est envolé. Alors ça, cet événement-là, bien sûr, il est relayé par la presse lors du procès d'Amiens. Et ça, une fois de plus, Maurice Leblanc va s'en servir. Tu n'avais pas une remarque, Arthur, ou une question que tu voulais... Non. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la... Moi, c'est plutôt un truc que je voudrais raconter, que ça m'avait marqué, parce que je suis de Charente, et il avait été faire un casse dans une maison. C'est la maison de Lucien Viau, je crois que c'est Lucien, je suis pas sûr. Julien. Julien Viau, ouais, voilà. Et en fait, quand il est rentré, il s'est aperçu que c'était Pierre Loti. Bon, c'était un bourgeois, Pierre Loti, plutôt colonialiste, tout ça. Mais en fait, il l'a laissé parce qu'il était utile et il servait à quelque chose. Alors que les autres qu'il a volés, en fait, ils servaient à rien. C'était des militaires, des curés. Voilà. Juste une remarque. Les principes du vol jacobien sont des principes politiques. Le vol a deux buts. Hein, c'est montrer qu'on s'attaque à une chose, à une classe ennemie. Mais deux, on finance le mouvement avec l'argent du portefeuille de l'ennemi. À main sont exclus, comme tu l'as dit, tous ceux qui représentent une utilité sociale, médecins, professeurs et littérateurs. Clotaire. Oui. Je tiens à préciser, pour avoir lu il y a très très longtemps cette affaire de Pierre Loti, quand il s'est aperçu qu'il était chez Pierre Loti, il a laissé un billet, ça ressemble un peu à de l'Arsène Lupin, Il a dit « Qui vit de ses œuvres ne mérite pas d'être cambriolé. J'ai dû forcer votre volet. Je vous laisse ici un louis pour faire la réparation. » Le problème de... Excuse-moi, Claire. Le problème de Pierre Loti, c'est qu'on n'a pas de source. Donc, il n'en demeure pas moins que dans les billets, il signait Attila. Hein, ces billets signés Attila. Et longtemps, j'ai cherché pourquoi. De la même manière, quand il était au bagne, il n'apparaît pas dans les écrits de souvenirs de bagnard, sauf sous la forme de Barabbas. Attila, le fléau de Dieu, Barabbas, le mauvais larron. Et un beau jour, j'ai compris, sa mère s'appelle Marie, son père s'appelle Joseph. Et là ressort l'humour du personnage. Votre intervention sur la séparation entre Marius Jacob et Arsène Lupin est très intéressante. Il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a quand même un lien entre les deux personnages, enfin le personnage de fiction et le personnage réel. À ceci près que dans un cas, on a affaire à un être qui s'est engagé dans la vie, qui a une action politique, qui a agi en fonction d'une qui s'est engagé, et l'autre, c'est un personnage de fiction qui est un petit peu le négatif sur le plan politique. On a affaire vraiment à un double en négatif. C'est vraiment, il fait vraiment l'inverse, c'est-à-dire que le personnage de Lupin, c'est un arriviste qui cherche à s'inclure dans la société bourgeoise, certes par des moyens plus ou moins illégaux, mais enfin bon, dans la bourgeoisie, on peut considérer que c'est sont des moyens un peu qui se pratiquent, et que on a affaire vraiment là, c'est assez curieux comme phénomène, c'est-à-dire qu'on a un personnage réel qui devient un mythe à l'envers, une version négative, en négatif, c'est-à-dire qu'il reprend les faits et gestes du personnage réel et en les inversant sur le plan de l'idéologie, du contenu, de la signification. Et je trouve que c'est un phénomène assez extraordinaire, enfin je sais pas, enfin assez fascinant. Enfin, on reste constamment à essayer de séparer les deux, au lieu de faire un effort de concentration et de réflexion sur cet amalgame. Pour aller juste dans ton sens, Lupin, c'est le fils d'un noble, et d'une noble et d'un roturier. Son vrai nom, c'est Raoul d'Andrézy. Maintenant, l'inversion, le négatif, oui. Oui, mais c'est bien ce qui prouve que Alexandre Jacob ne peut pas être Arsène Lupin, au regard des vols de lin et des cambriolages avec le chapeau haute forme, par exemple. On voit mal Alexandre Jacob parader avec un chapeau haute forme. Ce serait plutôt avec un boulet de bagnard. Bon, je me donne la parole. Aussi, j'ai envie d'intervenir. Je pense, contrairement à toi, je pense effectivement qu'il y a eu... je ne vais pas dire une copie du personnage, mais qu'il y a eu une influence au niveau du héros porté au niveau romanesque par Maurice Leblanc. Le premier bouquin que j'ai lu là-dessus, c'est celui de Bernard Thomas, je crois, j'en avais discuté un peu avec lui, Bernard Thomas du Canard Enchaîné, qui avait fait un bouquin là-dessus. Bon, c'est vrai qu'il n'est pas aussi documenté que ça a pu le faire. Tout à l'heure, tu as cité un personnage qui est sans doute le premier personnage paru dans les journaux au niveau du feuilleton. Alors, c'est quelqu'un que je connais bien, je vais vous dire pourquoi. C'était Rocambole. Rocambole, ponçon du Terrail, et a fait des études, il a fait sa terminale ici à Marseille, devait normalement rester à Marseille, mais comme il était nul en maths, il n'a pas pu s'engager sur un bateau. Bon. Il est monté à Paris. Il a fait toutes ses études au collège d'Apt, au lycée d'Apt. On appelait le collège à l'époque. Moi, j'étais prof à Apt pendant longtemps. Et j'ai fait toute une étude très suivie sur le personnage. Une vie assez extraordinaire, d'ailleurs. Il est mort à 42 ans, 1871. Et l'objectif étant que le lycée-collège d'Apt, qui n'a pas de nom, mais qui est place Charles de Gaulle, moi ça m'emmerde un peu, prenne le nom de Ponçon du Terrail. Tout le monde est d'accord, sauf quatre profs du lycée et puis un imbécile dans l'administration, et ça a tout bloqué. Ce personnage de Rocambole est assez extraordinaire aussi, puisqu'il se rapproche plus peut-être d'Arsène Lupin. Est-ce que Rocambole n'a pas été non plus un des inspirateurs, je voudrais dire, de Marius Jacob? Alors, en effet, c'est un personnage qui est sorti du ruisseau, c'est dans la lignée de Gensu. Alors je signale quand même, Rocambole, c'est la vente de Rocambole est supérieure au livre d'Alexandre Dumas, etc. À l'époque, quand ça paraît en feuilleton. D'ailleurs, il fait mourir Rocambole, et les lecteurs envoient des lettres pour dire oh, comment c'est. Alors, du coup, Ponceau du Terrail repart, il en a marre de Rocambole, il fait la résurrection de Rocambole. Alors, c'est reparti, et ce personnage va inspirer toute une littérature. C'est vrai que ces feuilletons s'arrêtent, il y aura des faux qui sont faits après, des faux Rocambole avec la veuve et d'autres, puisque, je vous dis, il meurt en 1871 à Bordeaux. Bon. Et par la suite, il y a eu effectivement d'autres personnages comme ça qui vont naître. Alors je sais qu'Umberto Eco a fait tout un travail là-dessus, sur les personnages de héros populaires. Et est-ce que Leblanc ne s'est pas servi à la fois de tous ces personnages qui étaient vendeurs? Ça rapportait énormément de fric, ça paraissait en feuilleton, et les gens étaient payés à la ligne, etc., avec des contrats. Alors, Leblanc n'a-t-il pas un peu mélangé, créé son personnage qui évolue dans les milieux, bah, bien, etc., contrairement... Attention, on a toujours peur. Quelqu'un l'a signalé tout à l'heure, on a raison de dire, attention, on se méfie toujours des anarchistes, et pas loin encore les bombes qui explosent, etc. Donc, il a un peu joué sur les deux. Il n'a pas voulu que son personnage soit un anarchiste, mais ne s'est-il pas inspiré quand même de ce qu'il voyait au niveau des feuilletons apparaître, etc. Donc il y a une ambiguïté, et lui-même n'a jamais, Maurice Leblanc, a dit non, je ne suis pas servi de trucs. Mais parfois, des éléments pouvaient être intéressants pour mes romans après, de ce que j'avais lu de la vie de Jacob. Ce qui me semble évident, c'est qu'il ne peut pas échapper à la société de son temps, ni à son époque. Ça, c'est une évidence. Or, cette belle époque, et là je le dis a priori, cette belle époque, c'est l'insécurité, c'est le roman populaire, comme tu viens de le dire, ça c'est une évidence. Jacob, il intervient quasiment au même moment. Deuxième chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une œuvre de commande, Arsène Lupin. Donc pas forcément original au départ. Peu à peu, dès les trois premières aventures, Leblanc lui donne les caractères qui font du bonhomme le succès que l'on connaît aujourd'hui. C'est tout. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant, c'est de voir que finalement tous les biographes de Jacob vont se servir de l'image d'Arsène Lupin, et notamment pour vendre leur biographie. Et je pense à un certain journaliste au Canard Enchaîné qui, lors de la deuxième version de sa biographie, va expliquer que si sa biographie est aussi bonne, c'est parce qu'il a eu dans les mains le fameux dossier d'instruction du procès d'Amiens. Qu'on cherche vainement, et il explique comment il l'a eu par le biais d'un ami juge qui a retrouvé le dossier perdu en 1940 parce que le ministère de la Justice l'avait planqué dans une grotte en Normandie à Yvetot, c'est-à-dire dans l'aiguille Creuse, quoi. Il y a une demande. En fait, je voulais demander, vous dites que, enfin, c'est par rapport aux lois scélérates, quand on voit les témoignages d'autres compagnons, des travailleurs de la nuit, il semble qu'effectivement, il y a eu des perquisitions indépendamment de l'affaire où ils fabriquent des explosifs, il semble qu'effectivement, il y a eu des perquisitions chez Jacob, et d'autres compagnons disent qu'ils ont perdu leur emploi, parce qu'il y a des perquisitions tout le temps à leur travail et qu'on leur fait quitter leur travail. Et ma question était de savoir, je ne veux pas rentrer du tout dans une querelle qui m'énerve assez entre les pour Thomas, anti Thomas, pour insomniaque, anti insomniaque, etc. Mais lui parle en tout cas d'un inspecteur Ponce, me semble-t-il. Je voulais savoir si vous en aviez la source, si vous aviez retrouvé des traces, par exemple, de rapports de police de cet inspecteur Ponce, qui serait l'inspecteur qui est arrivé chez le pharmacien pour la dernière fois où Jacob a travaillé. Donc ça, c'est dans un extrait de Thomas. Alors, deux choses. Il ne s'agit pas de polémiquer, mais juste de rendre compte d'une historiographie. Quand un auteur affirme avoir les sources, qu'il les montre. Les sources que tu peux avoir, elles se trouvent aux archives nationales, série BB18 et BB24. Elles se trouvent aux archives de l'Outre-mer à Aix-en-Provence, c'est-à-dire les archives du bagne. Elles se trouvent aussi aux archives de Fontainebleau, à ce qu'on appelle le fonds Moscou. Fonds Moscou, ce sont les archives des ministères de l'Intérieur et des autres ministères parisiens, grosso modo de 1880 à 1940, qui ont été prises par les nazis en 40 et qui ont été amenés à Berlin et qui se sont retrouvés par conséquent à Moscou. Or, elles ont été redonnées à la France en 1994. Et c'est dans ces archives Moscou où tout est détaillé, merci les bureaucrates staliniens, dossier par dossier, on retrouve un dossier Alexandre Jacob. Un dossier Alexandre Jacob dans lequel justement il y a des perquisitions, il y a l'affaire de l'explosif et ainsi de suite. En revanche, ni aux archives des Bouches-du-Rhône, ni à Fontainebleau, ni au National, on a le nom du commissaire. Cela dit, si j'ai parlé de Bernard Thomas, je pourrais parler aussi de l'autre qui ne fait pas mieux. Hein. Ah non, non, mais il ne s'agit pas d'une polémique. La polémique, elle existe, il ne faut pas la nier, elle sert l'historiographie. Il n'empêche que si, justement, le rapprochement avec Arsène Lupin fait oublier l'homme politique. Si on fait Alexandre Jacob égale Arsène Lupin, on en oublie Alexandre Jacob égale théoricien de l'illégalisme anarchiste. Et quand il fait « le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend », quand il dit « anarchiste révolutionnaire, j'ai fait ma révolution, vienne l'anarchie », c'est ça qu'il faut retenir avant de dire « c'est un voleur ». C'est vrai. Alors, Claude. Oui. Bon, je reviens sans doute un peu en arrière. Si Jacob s'est livré au vol, c'est sous la contrainte de la police. Parce qu'à cette époque, dès que vous étiez catalogué anarchiste, vous aviez un service de police qui passait chez vos employeurs. Et les employeurs, ils ne tenaient pas du tout à avoir toutes les semaines une visite des commissaires de police. Alors finalement, Jacob, qui était parti pour faire un bon imprimeur, à qui le métier plaisait, eh bien, elle n'a plus trouvé d'employeur. Il a donc dû se trouver des moyens de s'en sortir. Et c'est là qu'il s'est livré au vol et au cambriolage. Bon, un petit détail que je voudrais remarquer. Quand à Amiens, on a réuni 3000 hommes de troupes, c'est pas parce que Jacob apparaissait au public antipathique. Pas du tout, puisqu'il n'avait cambriolé que des riches. Alors tous les pauvres de la région d'Amiens lui portait une grande sympathie et on a eu peur des mouvements de sympathie. Et on a donc fait intervenir 3000 hommes pour éviter des mouvements qui n'ont pas pu se produire étant donné les forces qui s'opposaient à cette manifestation. Mais le procès s'est déroulé dans une atmosphère de sympathie populaire favorable à Jacob. Voilà, je voudrais... pardon. Serge. Oui, si je me souviens bien, j'ai lu dans une bande dessinée, très bien documentée d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle Pêcheur d'étoiles, en 4 volumes. En 4, comment ? C'est le tome 4. C'est le tome 4, mais enfin bon, donc, alors un peu de pub, il est encore mieux documenté que moi, c'est son boulot. Que Jacob avait financé des grèves de dockers à Marseille. Qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a un fond de vérité là-dessus ? Même réponse que tout à l'heure, tant qu'il n'y a pas de source, on ne peut pas le dire, quoi. C'est ce qui permet à certains d'inventer. Hein. Je prends un autre biographe sur une autre période, Le Bagne. Cet autre biographe, dont on ne citera pas le nom, mais qui a vos canissois, va dire qu'Alexandre Jacob va passer sur l'îlot Saint-Louis, c'est-à-dire l'îlot lépreux. Comment quelqu'un qui est cantonné aux îles du Salut peut se retrouver à Cayenne, peut se retrouver dans cette île des lépreux, peut se retrouver en Guyane hollandaise. C'est tout. C'est tout. Et c'est ça qui est intéressant dans le personnage, c'est qu'il y a plein de sources, mais il y a aussi plein de flous. Et ce plein de flous permet effectivement d'inventer plein de choses. Antonia. C'était souvent le cas. Antonia. Tiens, le micro. Non, je ne sais rien du tout de Mario Jacob, mais je n'ai rien lu. Je n'ai rien lu non plus, mais je le découvre maintenant. Et c'est que je voudrais, à part l'originalité du personnage, je voudrais savoir comment il était perçu à l'époque par la presse anarchiste. Et à part, ça, c'est tout à fait normal, c'est sa position, c'est original, mais en rapport à tout ce qu'il a fait comme travailleur de nuit, cambrioleur, tout ça, comment il distribuait ou partageait ou vivait ce qu'il cambriolait, au point de vue s'il l'a fait dans un sens social, pour une affaire de justice, pas pour un modus vivendi, sinon pour faire quelque chose de valable de ce qu'il a cambriolé, comment il était distribué, et en même temps comme il était perçu par la presse anarchiste à l'époque. Alors, deux choses. Ce qui est sûr, c'est que la presse dite bourgeoise et nationale va présenter son anarchisme comme une façade. Ça, c'est le premier point. Deuxième chose, les anarchistes sont relativement silencieux, sauf deux articles dans Le Libertaire et quasiment tout Germinal en faveur d'Alexandre Jacob. Le problème, c'est les lois scélérates. Donc, on ne peut pas forcément soutenir. Il n'empêche que, par la suite, on va avoir des libertaires qui vont aider Marie Jacob, la mère, à essayer de faire évader son fils. Donc, si d'un côté, on ne soutient pas, en dessous de main, il est fort probable qu'on ait soutenu. Justement, à ce propos, excuse-moi une minute avant. Voilà. Notre ami Éric Coulot de l'éphéméride anarchiste sur le net vient de me communiquer, à votre intention à tous, un scoop en me demandant de vous le lire. Alors voilà, ça fait partie des cadeaux du jour. Ça vient des archives nationales, de la préfecture. C'est un document de la préfecture de police qui est daté du 19 mars 1908. Et je vous lis le texte. Le préfet de police à monsieur le président du conseil ministre de l'Intérieur, administration pénitentiaire. J'ai l'honneur de vous communiquer à toutes fins utiles et sous réserve un renseignement qui me parvient et d'après lequel l'anarchiste Charles Malato, les joyeusetés de l'exil, l'anarchiste Malato préparerait l'évasion du pénitencier de Cayenne du forçat Jacob, Alexandre Marius, né à Marseille le 27 septembre 1879, condamné en mars 1905 par la cour d'assises de la Somme aux travaux forcés à perpétuité. Malato procéderait de la façon suivante. Il a trouvé une jeune fille qui a consenti à épouser Jacob. Elle se rendra à Cayenne, épousera Jacob qui, après son mariage, sera, suivant l'usage, mis en concession et pourra dès lors s'évader facilement. Cette jeune fille est une juive russe, âgée de 20 ans et nommée Olga Katz-Nelson. Mais dans le but d'éviter que la nationalité de cette jeune fille ne fît soupçonner le rôle auquel elle s'est prêtée, Malato chercherait à lui procurer de faux papiers lui attribuant un état civil allemand. Pour le préfet, par autorisation, le directeur de cabinet. Voilà, c'est comme ça qu'on trouve les archives, par petits bouts, et à la fin, on reconstitue sur pièce, quand on a pu les vérifier les unes et les autres, évidemment, une biographie exacte. Alors, je suis donc chargée de transmettre ce petit cadeau à notre camarade biographe. C'est d'autant plus vrai que la suite des rapports se trouve à Fontainebleau. Alors, si vous avez-vous des questions? Oui, une question encore. C'est juste une info. Sur le site internet de Jérôme Savary, de l'Opéra Comique, vous verrez qu'en janvier 2006, il y a une comédie musicale écrite par Bernard Thomas qui s'appelle Alexandre Jacob, l'anarchiste cambrioleur. Donc on aura le plaisir de voir peut-être des chanteurs de Star Academy entourés de petites femmes avec des plumes dans le derrière, en train de chanter dans le style Belle Époque, en train de lever la jambe. Il se réjouit, je l'ai croisé, c'est lui qui m'en a parlé, je ne savais pas. Il était très à l'Opéra Comique, donc prenez vos places dès maintenant. Absolument. Donc en janvier 2006, la première. Arthur, tu veux répondre? Et je crois que c'est un scoop, hein. Je prendrai ma place. Voilà. D'autre part, pour rester dans le sujet de madame, qui est très intéressant, je crois savoir, est-ce que tu peux nous le dire, que des anarchistes intellectuels, entre guillemets, enfin des auteurs, enfin des journalistes de la presse anarchiste de Paris, sont venus voir, ont essayé de rendre visite à Jacob dans sa prison, et pour essayer de savoir si, pour le livrer une sorte de procès politique, entre guillemets, savoir si est-ce que Jacob est véritablement un véritable anarchiste ou est-ce que ce serait plutôt un voleur qui serait montré comme anarchiste par la presse bourgeoise, etc. Et Jacob n'était pas très content de ce genre de procédé. Est-ce que tu peux ça nous en tu parler? Penses à l'article de Victor Méric dans Le Libertaire? Non, on voit mal comment un mec qui serait réclame de l'anarchie puisse rentrer comme ça impunément dans une prison déjà. Il est évident qu'il a mis en scène son Jacob, et à travers Jacob, c'est Méric qui s'exprime et qui prend position en faveur du vol. Maintenant, les discussions sur le vol et sur la propagande par le fait, elles existent depuis le congrès de Londres en 1881. Voilà. Je voudrais vous proposer une question. Ah, ça marche. Voilà. C'est-à-dire, je n'ose pas trop parler parce que j'ai entendu pas mal d'intervenants qui ont dit bien des choses, mais enfin quelques mots parce que on fait l'article de Mario Jacob. Avec lui nous avons quelque chose de commun, c'est que lui il avait épousé les idées anarchistes à l'âge de 14-15 ans, et justement moi c'est ça, j'ai épousé l'idéal anarchiste, j'avais 14 ou 15 ans. Et en plus, Marie Jacob, alors il avait fini, paraît-il, parce qu'il ne trouvait pas de patron pour le faire travailler tout, pour gagner sa vie en mandant au marché. Alors justement, voilà, nous avons quelque chose de commun, c'est que moi j'ai vendu au marché aussi, pendant 35 ans. Parce que pour m'échapper, par exemple, de l'exploitation des bourgeois, et après, pour, étant donné anarchiste espagnol de la guerre d'Espagne, beaucoup de patrons, bah, et pour m'embaucher, ils disaient, écoutez, bah, vous viendrez une autre fois. Alors, je me suis mis aussi pour gagner ma vie, à vendre au marché, et j'ai fait ça jusqu'à la fin de... Il n'y a pas longtemps que j'ai fini de faire ce travail. Alors, lui, il a commencé à 14 ou 15 ans. Et moi, c'était pareil. Actuellement, j'ai 90 ans passés. Hein? Et je continue aussi à penser que l'anarchie, c'est la plus haute expression de l'ordre, d'après le reclus. Oh, ça se discute. Alors, malgré mon âge, ma femme dit, oh, tu vas dire, mais je vais à Marseille, il y a une réunion pour faire référence à un anarchiste là. Jacob, à ton âge, qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Oui, mais écoute, j'ai toujours mon idéal, je pense que... Mais pourquoi toujours tu penses comme ça? Mais je pense comme ça parce que j'ai vécu la royauté d'Espagne. On a vécu la République. On a vécu le socialisme. On a vécu le communisme. Tout ça, ça n'a rien donné. Dans mon idéal, c'est toujours pareil, le progrès constant de l'humanité, économique et social. Et ce progrès constant, il n'arrive pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais je pense toujours que l'anarchie, c'est la meilleure solution. La meilleure solution, c'est que il faut changer d'idée. Évidemment, beaucoup, comme dit le compagnon, le nom anarchiste, ça fait peur. Mais pourquoi ça fait peur? Parce qu'on a été dénigré par tous les politiciens. L'anarchie, c'est la folie, tout ça, c'est la pagaille. Moi, je n'ai jamais été en prison, je n'ai jamais volé, et je continue à être anarchiste. Pourquoi? Je n'ai pas d'autre solution qu'une société autogérée pour les travailleurs et pour les consommateurs, pas autogérée pour la multinationale. Et je pense que c'est la meilleure idée, et je continue à penser que l'anarchie, c'est la plus haute expression de l'ordre. J'ai dit. En plus, c'est une citation d'Élisée Reclus, dont c'est le centenaire cette année. Nous pourrions faire une petite pause, si tout le monde en était d'accord, et puis... disons un petit quart d'heure pour vous rafraîchir, et puis ensuite Arthur Lebref pour les éditions L'Insomniaque vous parlera de l'édition des lettres de Alexandre Marius Jacob par cette maison d'édition, et puis Gilbert nous dira ce qu'il pense de la propagande par le fait. L'extermination à la française. Il est bien évident que on a beaucoup de choses à dire, et comme il écrivait à sa mère pour essayer de principalement s'évader, évidemment, monter des affaires, il y a finalement un assez grand nombre de lettres qui ont subsisté. Alors, si les camarades veulent bien m'écouter, ils en auront pour leur pognon. Et ça rime. Petite diversion, visiblement, Alexandre Marius Jacob était un grand lecteur de Daria. Et sans doute ne lui avait-il pas échappé que quelque part dans Le Voleur, il est bien marqué que voler aux riches, voler les riches pour donner aux pauvres, ça les met quasiment en état de payer leurs impôts. Donc, effectivement, grâce à Jean-Marc Delpech, nous savons que Jacob était effectivement un politique, et que c'est sa révolte pure qui l'a poussé à voler les riches pour taper au portefeuille, directement. C'est donc une illustration de la lutte des classes. Et c'est bien dans cet esprit que nous avons publié, ça c'est il y a 200 ou 300 pages de plus que dans la première édition, dont nous avons épuisé 3 éditions, 5000 exemplaires, en quelques années. C'était devenu introuvable et c'est reparu l'année dernière, non? Oui. Avant d'en arriver au hasard objectif qui nous a amené à publier ce livre, disons que le Code du Travail, j'ai vérifié l'autre jour la 5e édition qui date de cette année chez Dalloz, fait 2427 pages. Le droit à la paresse de la Fargue fait à peine 30 pages et d'un bien plus grand intérêt. Alors, je ne sais pas si Jacob l'avait lu, nous n'avons pas de preuves. Et en tout cas, évidemment, il n'avait pas lu ce que dit le grand poète belge, dont je ne citerai pas le nom, qui dit que le pauvre n'a jamais les poches vides. Il a toujours la main du riche dedans. Eh bien, Alexandre Marius Jacob a tenté par tous les moyens et avec un grand brio d'inverser la tendance. Et c'est pour ça que nous lui rendons hommage 100 ans après qu'il ait pris perpète. Pour ce qui est du hasard objectif, qui nous a fait publier ses écrits, je vais résumer. Un ami passé chez un bouquiniste et trouve le bouquin de Sergent, qui vient d'être édité, mais qui, il y a une quinzaine d'années, une douzaine, ne l'était pas, et le trouve, il se trouve que c'est chez un autre ami bouquiniste, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas le... mais à un prix vraiment fabuleux. Et comme nous-mêmes, tout ce que nous voulons, nous le donnons aux révolutionnaires, c'est-à-dire d'abord à nous, bien sûr, mais... il discutait du prix, etc., etc. Et l'ami était tellement mordu que finalement l'autre, le bouquiniste, lui dit « Bon, écoute, d'accord, ok, on est de la même sensibilité, on est anarchistes, libertaires, tout ce qu'on voudra, etc., révolutionnaires, bon, écoute, pourquoi tu veux tant ce bouquin et pourquoi tu veux pas l'acheter ?» Bah, il dit « Parce que, etc., ça m'intéresse, tout, bon. » « Ah, bon, écoute, je veux bien te le faire à un prix tout à fait honnête, mais moi, je sais où trouver les cartons, des lettres, etc., et est-ce que tu es capable de le publier ?» Eh bien, il dit « Dans ce cas-là, oui, je prends l'engagement de les publier. » Hein ? C'est pas une affaire, ça ? Bon, ça tombait bien. C'était un des amis de l'insomniac qui était là en train de négocier le bouquin de Sergent, un anarchiste de la belle époque. Et voilà comment l'affaire s'est faite. Ça nous a coûté beaucoup de pognon. Mais ça, tant pis. On l'a fait et on en a épuisé 3 éditions, sans changer le prix. 2 volumes à 120 francs. Et à chaque fois qu'on en vendait un, on perdait à peu près 30 balles. Mais il y a eu un succès mérité. J'avais dit aux copains, on va à la faillite. Ils ont dit, tant pis, on travaillera la nuit. Que pourrais-je vous dire d'autre ? Bah, je finirai par la parole d'un grand philosophe. Ça peut parfaitement s'appliquer à Jacob, et peut-être l'avait-il lu. Le prolétariat est révolutionnaire ou n'est rien. C'était quel philosophe ? Bravo. Le plus grand théoricien de l'anarchisme. J'ai dit une bêtise, là ? Il est temps de passer la parole à mon compagnon. Alors, les éditions de l'Insomniac, c'est un groupe variable entre 5 et 30 personnes. C'est une mouvance qui rassemble éventuellement 200 personnes du temps des auberges espagnoles. C'est qui veut payer de sa poche, de son temps, de ses nuits, de son ingéniosité pour publier des livres. Et les écrits d'Alexandre Marius Jacob, c'est aussi un disque qu'ils ont mis en musique, qui pourrait passer dans les écoles, si vous voulez, pour les enfants, ou alors pour les malentendants, ou pour les malades à l'hôpital, s'ils s'ennuient, pour s'écouter un petit peu des petites histoires, ils pourraient se passer le disque que l'Insomniac a fait sur Marius Jacob. Donc, on le trouve encore, bien entendu, cette réédition, on la trouve encore, et notamment sur les stands qui sont à l'entrée de cette salle. Voilà. Est-ce que, Arthur, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour l'Insomniac ? Dans l'ensemble, l'Insomniac n'est pas une mauvaise maison d'édition, bien que ça ne soit pas sa vocation, mais plutôt une vocation d'agitation, tout à fait. Dans la ligne, et ça a été notre plus grand succès, dans la ligne d'Alexandre Marius Jacob. Sauf qu'évidemment, nous sommes beaucoup plus surveillés que lui au départ. Et qu'il faut prendre des précautions. Monsieur les RG, à vous la parole. Alors maintenant, après cette petite présentation anecdotique d'un très gros effort éditorial, et très méritoire, eh bien, je vais passer la parole à Gilbert. Des questions de la salle concernant l'édition de l'Insomniaque ? Pendant que la première édition, donc la troisième livraison était épuisée, nous étions un peu à sec, mais nous sommes efforcés de reprendre le meilleur en trois petits volumes, à un prix et en plus facile à mettre dans la poche pour ceux qui ont la main leste ou les sectateurs de Shiva. Et donc, en effet, on a continué au moins à publier avant de pouvoir ressortir le gros volume avec quelques inédits. Et sans doute y aura-t-il, au fur et à mesure que nous découvrirons des choses, nous compléterons les écrits de ce grand monsieur qu'était Alexandre Marius Jacob. Et maintenant que nous sommes ici à Marseille, un grand Marseillais, enfin. Alors, il s'appelait Alexandre, jusqu'au bagne, etc. Jean-Marc pourrait nous le dire plus savamment. Il semblerait bien qu'il ait pris, quand il est devenu forain, pour des raisons bassement matérielles, que sur le calicot, le mec qui faisait le calicot, c'était Marius avait moins de lettres, ça coûtait moins cher que de mettre Alexandre. Semble-t-il, mais je n'ai pas vérifié. Il est sur une photo quelque part, le calico, on le voit. C'est son deuxième prénom, à part cela. Bien entendu. Il s'appelle Alexandre. Oui, mais il s'est longtemps appelé Alexandre Jacob, et jusqu'au bagne, etc. Et il prend Marius, peut-être légèrement aussi, avec l'idée de se faire oublier, mais il était inoubliable déjà. Sinon, il avait donc une centaine de pseudonymes, peut-être même plus que moi. C'est bon? Je crois que tout le monde est d'accord pour passer la parole à Gilbert, et ensuite l'un et l'autre se relaieront dans un duo inénarrable. Bien. Alors, parler de la reprise individuelle n'est pas facile, même dans le milieu libertaire, à cause des dérapages qui eurent lieu à différentes époques. La bande à Bono en est un exemple. Et donc d'opposition catégorique à ce genre d'action, de la part de certains libertaires. Je n'entends faire ni l'apologie de cette pratique, ni bien sûr sa critique systématique, parce que j'en fus un adepte pendant de longues années. Mais si vous attendez un scoop de moi, monsieur le commissaire, il y en a probablement un dans la salle, vous serez déçu, car cette activité illégale nécessite avant tout la discrétion. Cependant, ma retraite de cette spécialité depuis presque 10 ans m'incite à en tirer quelques leçons d'ordre général, afin que ceux qui voudraient s'y adonner le fassent dans les meilleures conditions possibles, ce que je n'encourage évidemment pas. Pourquoi les termes reprise individuelle ou expropriation ou illégalisme employés par les anarchistes ? Ils datent de plus d'un siècle et ont été conçus par différenciation avec le vol traditionnel. Bien qu'ils soient synonymes, ils insistent au plan éthique sur le droit pour l'individu de reprendre ce que les classes possédantes se sont appropriées au fil des siècles. Car la reprise individuelle ou le vol existe depuis que la propriété existe. Proudhon a largement développé cette thèse il y a plus de 150 ans dans « Qu'est-ce que la propriété ?». Pour arriver à la conclusion que le premier voleur est celui qui s'est approprié le premier bien, le corollaire est que le premier repreneur est celui qui a essayé de le lui reprendre. Mais ce n'est qu'une pratique, et c'est en quoi je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Marc. Ce n'est pas une théorie. de mon point de vue, les trois grands courants théoriques libertaires, l'anarcho-syndicalisme, le communisme libertaire et l'individualisme suffisent largement, sans rajouter des théories supplémentaires à ça. Ouais. Et ils ont un projet social cohérent, alors que l'illégalisme n'est qu'une stratégie parmi d'autres contre la société bourgeoise. D'ailleurs, la reprise était pratiquée par toutes les tendances révolutionnaires. Même Staline a fait un braquage en 1905, je crois. Et même les courants nationalistes le pratiquent également. En faire l'historique serait beaucoup trop long et difficile, car dans ce domaine, on manque particulièrement de données fiables, surtout pour les périodes anciennes. Donc je vais me limiter aux siècles les plus récents en évoquant les jacqueries du XIVe siècle, qui étaient des insurrections paysannes contre la noblesse et clergé. Pour reprendre ce que ces classes, et donc l'État moderne qui se constituait, leur avaient volé. Quoi de plus normal en période de disette, de famine ou de catastrophe naturelle, pour satisfaire des besoins vitaux, de se servir chez qui? Eh bien, c'est chez ceux qui possèdent quelque chose. On l'a encore vu récemment à la Nouvelle-Orléans, après le passage des cyclones, les nombreux pauvres de la région qui n'ont pas pu se réfugier dans d'autres états faute de moyens de transport se sont servis localement pour survivre, et peut-être un peu plus. Bon. Les journalistes aux ordres appellent aux ordres, c'est un pléonasme, hein. Appellent ça du pillage. Rappelons que le pillage est un droit militaire féodal, comme le viol, que l'État reconnaissait ses soldats pour s'enrichir ou se faire plaisir en se payant sur l'ennemi, et surtout pour ne rien débourser lui-même. La force de l'habitude fait que ces pratiques, que la morale officielle réprouve à présent, perdurent encore aujourd'hui, même parmi les forces mises en œuvre par l'ONU, voire le cas de l'ex-Yougoslavie. Deux siècles plus tard, surtout à la charnière des XVIe et XVIIe siècles, la piraterie maritime a été la forme la plus élaborée d'un type de société libre, avant l'industrialisation. Quelques ouvrages récents tentent de réhabiliter ces femmes et ces hommes qui ont combattu la bourgeoisie naissante. Et celle-ci ne s'est pas privée de les jouer aux gémonies. Je me contenterai de rappeler, pour ceux qui l'ignorent, que les pirates pratiquaient un égalitarisme très accentué entre eux, une véritable démocratie à la base, et sont les inventeurs de la première forme de sécurité sociale. Un pirate blessé ou invalide, après un combat, était pris en charge par la collectivité pour vivre décemment. Cette activité s'est développée surtout en Méditerranée, dans les Caraïbes et sur les côtes africaines, notamment en Libertalia, à Madagascar, que probablement beaucoup connaissent, pour en avoir lu un petit fascicule chez les Mille et une Nuits, je crois. Oui. Esprit frappeur. On peut aussi mentionner des personnages en partie légendaires comme Mandrin, Cartouche, pour la France. Mais venons-en à des périodes moins lointaines. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, la bourgeoisie florissante et arrogante a suscité de nombreuses vocations de repreneurs. Et je conseille, évidemment, comme le disait tout à l'heure Arthur, pour les rares auditeurs qui ne l'auraient pas encore lu, le livre de Georges Darien, Le voleur, réédité récemment avec toutes les œuvres de Darien d'ailleurs, dont Louis Malle a tiré un assez bon film. Oui, oh là là, il y a plusieurs formes. Alors la règle première, car il y en a aussi chez les anarchistes, est de ne s'attaquer qu'aux représentants des classes dominantes. Il est absolument exclu de voler un plus pauvre que soi. Nous laissons ce triste privilège au patronat, donc à la bourgeoisie. Marius Jacob a très bien ciblé ses objectifs clergé, noblesse, aux fonctionnaires, industriels, bourgeois. Mais même et surtout parmi ces classes, il faut sauver les apparences, qui n'en reflètent pas toujours la réalité. Découvrant chez un châtelain, mais je crois que tu en as parlé tout à l'heure, l'étendue de sa ruine, il ne prit rien et laissa même une forte somme d'argent. On trouve ça à la page 50 du livre Sargent. Une autre fois, là, l'histoire de Pierre Loti, on en a parlé aussi. La deuxième règle pour les cambrioleurs est de s'abstenir de toute violence, sauf cas de légitime défense. Je ne traiterai pas ici du braquage ou hold-up ou vol à main armée qui m'est étranger. Il faut bien distinguer que chaque individu a des aptitudes particulières et que ce n'est en aucun cas un jugement de valeur de ma part. Un braquage dure quelques minutes, un cambriolage dure souvent plusieurs heures. Dans un cas comme dans l'autre, c'est une épreuve physique et nerveuse intense qui ne requiert pas les mêmes capacités et surtout que tout le monde ne peut pas aborder avec un succès égal. Quelques souvenirs personnels. Au début de mes activités illégales et nocturnes, j'y voyais plusieurs utilités. Après 68, il me semblait, à tort d'ailleurs, que nous allions entrer dans une période révolutionnaire et par conséquent contre-révolutionnaire. Donc il était indispensable de se former, de s'accoutumer à l'action clandestine. Par ailleurs, le cambriolage peut fournir des moyens financiers à l'activité militante. Le petit noyau d'initiateurs a entraîné avec lui, dans ses équipes nocturnes, tous les copains gravitant autour. Et on s'est vite aperçu que la majorité d'entre eux ne supportait pas la tension nerveuse découlant de cette activité. Bref, chacun ses compétences pour éviter les accidents de parcours. Donc ne jamais être armé pour monter sur un coup. En revanche, à la sortie, il n'était pas rare de revenir avec des armes empruntées chez nos donateurs involontaires, pour le cas où elles pourraient servir. La troisième règle est la discrétion, avant, pendant et après. Et les méthodes de Jacob sont un exemple. Ne pas se faire remarquer pendant le repérage des lieux. Alors ça c'est plus moderne, garer son véhicule un peu plus loin dans le sens du départ, éviter les parkings publics et leurs caméras. Mais il ne faut pas faire trop de parano non plus, car la police scientifique ne se met en branle que pour les gros coups. Donc avoir une apparence la plus normale possible. Des vêtements de couleur sombre, des chaussures souples et silencieuses, couleur sombre également, à l'exclusion des baskets blanches ou phosphorescentes. Et bien sûr des gants de bonne qualité, suffisamment fins pour avoir une bonne préhension, mais pas trop, afin qu'ils résistent aux déchirures. S'équiper d'une lampe torche de petite taille, ça permet de la tenir dans la bouche et d'avoir les deux mains libres. Ne franchir une clôture qu'après s'être assuré que personne ne peut le voir. Non, ben ça, les grenouilles, à Paris, pour trouver des grenouilles, t'as du mal. Hein. Une fois dans la maison ou les bureaux, faire une visite rapide pour s'assurer qu'ils sont vides, prévoir si possible une sortie de secours. Sur un escalier en bois, les marches grincent presque toujours. Poser les pieds le plus près possible des bords latéraux. Ça grince moins, voire pas du tout. Ouvrir les portes délicatement, les tirant légèrement vers soi avant de tourner la poignée, etc., etc. La quatrième règle est l'imagination, et dans ce domaine, Jacob fut un exemple. L'utilisation des techniques les plus modernes et le choix des moyens d'accès après vérification que le chemin est libre. Le coup du petit papier coincé dans la feuillure d'une porte est efficace, mais pas toujours discret. Les gens peuvent le voir, le remettre en place, et c'est inefficace. Par contre, un cheveu collé avec un peu de salive est pratiquement invisible. Quand j'ai lu ses aventures au début des années 70 dans le livre de Bernard Thomas, j'étais enthousiasmé par son inventivité et chaque fois qu'un obstacle se présentait, je me demandais comment Jacob aurait procédé. Donc se servir de la réflexion avant l'action. Dans les temps déjà anciens, nous avons rencontré notre premier coffre chez un industriel, sans être équipé pour l'ouvrir sur place. Après l'avoir traîné jusqu'au garage, où on nous avait laissé obligément un véhicule avec le plein d'essence ainsi que les clés et les papiers, il s'agissait de les hisser dans la malle arrière de la voiture. Problème. Car même à 3, on ne peut pas soulever 400 kg, surtout sans aucune prise. Alors j'ai dégondé la porte intérieure du garage, enlevé la poignée et pris dans le bureau toute une collection d'encyclopédies. Il nous a suffi de mettre le coffre sur la porte à plat et grâce au levier d'Archimède, en glissant sous la porte en alternance une encyclopédie à gauche puis à droite, etc. Et on élève le coffre jusqu'à la hauteur du coffre de la voiture. On n'a plus qu'à le basculer à l'intérieur. Ensuite, nous n'avions plus qu'à partir à la campagne pour travailler tranquillement à son ouverture. Les techniques ont beaucoup évolué depuis l'époque de Jacob, tant du côté des bourgeois pour se défendre contre les intrusions que du côté des cambrioleurs pour contourner ces défenses. Les alarmes sonores étaient très rudimentaires, aujourd'hui elles sont diverses et généralisées. Mais de ce fait, inefficaces car plus personne n'y fait attention. Il faut simplement les repérer et les neutraliser rapidement. Beaucoup sont déjà inopérantes, en panne ou neutralisées parce qu'elles se déclenchaient inopinément, que les voisins se plaignaient. Bon. Le téléphone n'existait pratiquement pas en 1900. Depuis une bonne trentaine d'années, il est partout. Il pouvait encore servir dans les années 70 pour vérifier si quelqu'un était présent dans les lieux. C'est devenu obsolète aujourd'hui avec le renvoi d'appel. Il est néanmoins très utilisé comme protection en transmettant une alarme au propriétaire des lieux ou à une société de gardiennage qui envoie un véhicule sur place dans un temps plus ou moins long avec un vigile pour déterminer si l'alarme est fondée, si les traces d'effraction sont visibles avant d'appeler la police. L'apparat était donc de repérer et de couper la ligne téléphonique pour éviter que cette alarme soit transmise. Depuis une dizaine d'années, avec la généralisation du téléphone mobile par voie aérienne, cette technique devient caduque. Et cependant, il y a encore beaucoup d'endroits non desservis par les opérateurs de téléphonie sans fil. L'équipement, encore trois. L'équipement, un outillage de bonne qualité est primordial, mais il ne faut quand même pas trop se charger. Une veste près du corps avec des poches intérieures qui peuvent contenir les outils et éviter ainsi leur chute accidentelle. Mais le risque principal est dehors, dans la rue, avant de rentrer ou après être sorti. Un contrôle policier peut trouver bizarre une panoplie du petit cambrioleur dans un véhicule. Plutôt que le pied de biche traditionnel, mieux vaut de bons démonte-pneus ou de bons tournevis costauds. Pour écarter les barreaux d'une fenêtre, un cri de voiture est très efficace et totalement banal dans un véhicule. Avant de s'attaquer à une porte, il faut observer si une fenêtre n'est pas ouverte ou mal fermée. C'est ce courant, surtout en été. C'est plus propre et silencieux et ça évite les fractions. Bien sûr, il faut faire un peu d'escalade, donc ce travail demande un minimum d'agilité. Briser une vitre n'est pas nécessaire. On peut la démonter, parfois en faisant sauter le mastic. Si toutes les ouvertures semblent bien fermées et solides, il y a peut-être d'anciennes ouvertures condamnées par une simple plaque de bois agglomérée qu'il est très facile de faire sauter. À l'époque de Jacob, l'électricité était rare, donc les perceuses électriques inexistantes. La bonne vieille chignole s'imposait pour percer un coffre, mais après un travail long et fatigant. Alors que le bruit d'une perceuse moderne est assez discret pour ne pas réveiller les voisins. La perceuse est un outil suffisant pour la plupart des coffres-forts, et nettement moins encombrant que la chalumeau avec ses bouteilles. Il est important de choisir des mèches en acier de bonne qualité, de ne pas lésiner sur les prix. Comment s'y prennent les cambrioleurs pour ouvrir un coffre? Face à ce parallélépipède, la porte est le côté le mieux défendu. On peut faire un trou ailleurs, mais ça ne permet pas d'accéder à tous les compartiments. Donc la serrure sera démontée après avoir percé la première paroi, dégagé le matériau réfractaire, puis la deuxième paroi. Ils font une succession de trous adjacents délimitant une surface assez grande pour accéder facilement à la seconde paroi et à la serrure. Avec un chalumeau, le processus est identique et plus rapide, avec un risque d'incendie, de brûler des documents ou des valeurs, de respirer de la fumée très désagréable qui peut être sentie à l'extérieur et l'émission de beaucoup de lumière. Donc du temps perdu à bien masquer les ouvertures vitrées. Il faut avoir toujours un seau d'eau à proximité pour refroidir la ferraille et éteindre les flamèches. C'est un travail long, fatigant et salissant, mais ô combien exaltant quand la porte s'ouvre enfin. Parfois décevant, comme quand le coffre est vide. Avant d'entreprendre cette tâche, les cambrioleurs sérieux fouillent soigneusement le bureau du patron et du comptable pour retrouver la clé du coffre. Car sa taille imposante incite le propriétaire à la cacher sur place, s'il n'a pas de poche assez grande pour l'emporter. Une fois la clé trouvée, la première tentative peut être la bonne si la combinaison n'est pas brouillée. Ça arrive. Sinon, la recherche de la combinaison peut prendre beaucoup de temps. Il faut savoir que le choix de celle-ci peut être mémorisé facilement. Pour être mémorisé facilement, est souvent une année, ce qui réduit singulièrement les possibilités. 1515, 1789, 1914, ou une année de naissance, de mariage. Il y a parfois des documents d'état civil dans les lieux qu'ils peuvent mettre sur la piste, ou des photos avec des dates au verso. La recherche aléatoire peut être plus longue que la nuit. Une combinaison à quatre chiffres suppose 10 000 possibilités environ. Donc évitez de fouiller maladroitement, de déplacer les objets, ce qui peut permettre, s'il n'y a pas d'effraction visible, de revenir un autre jour pour continuer le travail. Par ailleurs, il n'est pas rare de trouver la clé de secours pour entrer par la porte. On peut soit l'emporter, soit en faire une empreinte. Le coffre est ouvert. L'inventaire peut commencer. Pour les espèces et les timbres postaux ou fiscaux, pas de problème. Pour les titres, c'est plus compliqué, car certains peuvent être négociés dans une banque, mais rapidement, avant que le vol n'en soit diffusé, et à cause du risque de se faire coincer dans les as de la banque. Pour l'or, pièces et lingots, il y a des boutiques d'échange spécialisées, et c'est anonyme. Les bijoux nécessitent un contact avec un receleur, donc un risque supplémentaire. Évitez les œuvres d'art, c'est un marché trop étroit et très surveillé. Le butin ainsi recueilli, il y a des prélèvements obligatoires pour le renouvellement de l'outillage, qui s'use rapidement, qu'on est parfois obligé d'abandonner et pour investir de nouveaux matériels plus efficaces. Reste le reste, qu'en faire? Une petite fête discrète entre amis est toujours agréable, mais sans raconter de détails, car même les amis peuvent être bavards. Il y a toujours dans l'entourage des copains dans la mouise qu'il faut dépanner, et des dons anonymes peuvent être faits, notamment des timbres postaux, dont le cambrioleur n'a pas l'usage. Il écrit peu, sauf en prison. Et ces timbres peuvent servir au mouvement. Il ne faut pas oublier, bien sûr, les avocats qui ont presque toujours des affaires en cours pour des copains et qui sont peu rétribués pour leur travail. Ce qui permet par ailleurs d'établir avec eux des relations correctes, voire amicales. car dans le parcours du cambrioleur, il ne faut pas oublier non plus la case prison, puisque le bagne n'existe plus. Et avant la prison, le passage chez les flics. 24 ou 48 heures de garde à vue est une épreuve difficile, surtout si elle vient après une nuit de travail intensif. Les flics se relaient et se reposent, mais ne laissent pas le temps aux prévenus de le faire. Et il y a toujours un qui joue les méchants, un autre les gentils, en alternance. À chaque relais, il repose 50 fois les mêmes questions, il faut donner 50 fois les mêmes réponses sans se couper. Les perquisitions au domicile se font dans le plus grand désordre, et immanquablement, ils trouvent des objets suspects oubliés. Mais fort heureusement, ils ne trouvent pas tout. La suite dépend des preuves et des indices accumulés. Il faut prendre un avocat pour organiser la défense. En prison, on est confronté à une population particulière, des voyous dont certains peuvent paraître sympathiques, mais là aussi la discrétion est de mise, car l'enquête policière et judiciaire n'est pas terminée. Et ça bavarde beaucoup trop en prison. Bref, c'est un métier dur et fatigant, car il est conseillé d'avoir par ailleurs un métier officiel pour la façade, qui laisse assez de temps libre pour se reposer, afin de ne pas être pris à la gorge, et de prendre n'importe quel risque. Le rythme de l'activité de Jacob et des travailleurs de la nuit semble excessif, mais dans les débuts, il est fréquent de faire plusieurs casses à la suite. Puis avec l'expérience, un ou deux par semaine suffisent, avec un résultat équivalent, grâce à une meilleure préparation. Enfin, s'il fallait trouver un surnom à Jacob, qui fut un très bon artisan dans sa spécialité, même un artiste, et qui a tâté plusieurs fois du violon, je proposerais Stradivarius. Et pour conclure ce colloque en chanson, nous avons trouvé le texte, mais pas la musique, d'une chanson de Jean-Baptiste Clément datant de 1884, dont le titre est « Allons faire un tour à la banque », que René Rouzet s'est empressé de mettre en musique et qu'il va nous chanter, grâce au texte qui vous est remis. On pourra tous reprendre le refrain en cœur. Oui, les paroles, la parole est à la salle. Est-ce qu'on pourrait avoir le photocopie? Vous auriez des questions, s'il vous plaît. Oui, c'est pour un peu revenir à Alexandre Jacob, et notamment par rapport au vol et au recel. Moi, je me posais la question, avec la quantité énorme de valeurs qu'ils ont volées, s'il y a des gens qui ont des éléments sur où est parti cet argent. Parce qu'il me semble que c'est excessif l'argent qu'ils ont volé, et tout n'a pas eu l'air d'être distribué. Je pense que Jean-Marc Delpech est la personne compétente pour la réponse. La presse donne 5 millions, hein, 5 millions de francs volés. Maintenant, quant à la... Oui. Maintenant, quant à la répartition, c'était au départ 10% du butin pour la cause. Très vite remis en cause par les travailleurs de la nuit. La preuve, c'est Jules Clarençon qui, après le vol de la rue Quincampoix, bijoutier bourdin, se fait arrêter au casino de Monte-Carlo. Maintenant, Jacob, lui, respecte ses trucs, ses obligations. C'est le libertaire, le financement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est Germinal, c'est les souvenirs de Jeanne Imbert, la guerre sociale, oui. D'ailleurs, maintenant, j'ai compris, dans les codes qu'il utilise au bagne, il y a le Michel, et Michel, c'est Miguel Almereda. Hein. Et il dit, notamment en 1917, Michel est mort, ça ne m'étonne pas. Et on sait tous les conditions assez bizarres de sa mort en prison. Donc ça prouve une fois de plus les liens, c'est ce qu'on disait. Si d'un côté, ils ne peuvent pas forcément approuver, hein, même Jean Grave le dit dans les 40 ans d'anarchie, souvent on retrouvait des colis à notre porte, de l'autre, on peut accepter, on peut aider, et puis voilà, c'est la contrepartie, elle se fait comme ça. Enfin, c'est une bête question, c'est une question de citadine. J'ai une idée, mais je voudrais savoir connaître votre avis sur l'affaire de la grenouille. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont chercher la grenouille? Est-ce qu'ils la prennent avec? Est-ce que c'est une grenouille domestique? Est-ce qu'il faut qu'il pleuve? Tout ça. Non, non, il n'y a pas besoin qu'il pleuve. J'en ai fait l'expérience tout à fait récemment, absolument par hasard, en me baladant dans un jardin, et tout d'un coup j'entends croir, croir, et c'est là que j'ai compris l'histoire de Marius. Et je suis allée un peu plus loin, et croir, croir, et il y avait trois grenouilles dans ce jardin, et il ne pleuvait pas du tout, et dès que j'approchais, elles se mettaient à prévenir. Voilà. Hein ? Non, elles commençaient. Oui, la grenouille, oui, mais il faut qu'il y ait une animalerie dans la ville. Le choix, il est pragmatique. Hein. La preuve, c'est quand ils se font arrêter à Ville, c'est Bourg ou Pélissard qui fait le guet. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les outils, ils les achètent aussi sur place. Quand ils cambriolent à Rennes en 1902, ils le font à la faveur, certes, d'un orage qui permet d'éviter le bruit, mais ils achètent aussi leurs outils dans les quincailleries locales, ce qui permet à la police de retrouver uniquement l'acheteur, sans en savoir le nom. On sait que quelqu'un a acheté ça, et on sait que ça a servi à ce cambriolage-là. Parmi les travailleurs de la nuit, quels sont ceux qui étaient libertaires et comment ils ont fini? Oui, bien sûr. Bah oui. Ce qui est sûr, c'est que la presse à l'époque parle des 40 voleurs. Et c'est effectivement, si on regarde les pièces d'archives, si on regarde les biographies, on arrive à peu près à 40 personnes. Grosso modo, et Sergent le dit bien dans sa bio, jamais plus de 12 personnes présentes, prégnantes dans le, on va dire le clan Jacob. Si on garde les 40, on s'aperçoit, en fonction des rapports de police, en fonction de leurs déclarations, que à peu près 50% font ouvertement profession de foi anarchiste, ou l'ont fait. C'est Jules Clarençon, hein, par exemple, qui, à l'époque du procès, ne l'est plus, mais comme par hasard, il écrit La Cellule, hein, de quel cerveau immonde, et ainsi de suite. Mais on a aussi 50% de ces 40 personnes, de ces 40 noms qu'on peut retrouver dans les dossiers d'archives, qui ont, avant les travailleurs de la nuit, déjà subi une condamnation. C'est le cas de Pélissard, condamné déjà 8 fois, c'est le cas de Ferrand une vingtaine de fois, et ainsi de suite. En revanche, Bourg ne l'a jamais fait avant de rencontrer Jacob aux causeries populaires de Libertad. C'est encore une question pratique. C'est par rapport au télégraphe. On sait que Jacob envoyait beaucoup de... Enfin, qu'il se connectait, qu'il envoyait ses informations et recevait les informations par le télégraphe. Je sais que la bande à Bono utilisait le même principe et que notamment les gens qui allaient distribuer les télégraphes aux bourgeois, enfin aux... je sais pas comment dire, informaient parfois les gens, la bande à Bono. Et je voulais savoir si vous pensiez, si Jacques, je m'exprime extrêmement mal, je suis très timide, je voudrais savoir si Jacob a aussi pu utiliser ces jeunes personnes qui travaillaient pour les télégraphes pour transmettre les informations. Je ne sais pas si... Télégraphiste. Oui, c'est un point. La seule chose qui soit sûre, c'est que la police, quand elle arrête Jacob et Pélissard, pas Bourg, puisque Bourg se fait pincer à Paris, c'est qu'elle retrouve dans les papiers de Pélissard des télégrammes. Pendant l'instruction, on va retrouver plein de télégrammes, et oui, ils sont codés. C'est la seule chose dont on soit sûr. Oui, le prénom Georges apparaît et est un symbole de coup à faire. Ça, c'est pas une invention. Maintenant, on n'en sait pas plus. Hein. Maintenant, pourquoi Georges ? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Je sais, c'est possible. Mais tant que tu n'as pas la source. Momo. Oui, il y a un truc aussi que j'avais lu quand j'avais lu le bouquin de Thomas, de Bernard Thomas. C'est, en fait, il disait carrément que c'était une industrie pour faire fondre l'or. Il avait eu une entreprise. Enfin, ils avaient tout un système de... Oui, c'était pas le dernier des imbéciles. Ouais, il avait vraiment fait un... Enfin, voilà. Momo, tu veux peut-être... C'est imbécile qu'il y avait... Oui, je crois que Jacob a été condamné à un mois de prison ferme pour fraude fiscale dans le cadre de ses activités de marchand forain. Mais est-ce qu'il y a eu des condamnations équivalentes dans le cadre de l'activité des travailleurs de la nuit? Est-ce que parce qu'apparemment, il n'y a rien dans les biographies sur une quelconque redressement fiscal sur leur activité de travailleurs de la nuit. Par contre, il a bien été condamné, ce qui est très rare, à un mois de prison ferme, ce qui est rare, dans le cadre de son activité de marchand forain. En combien? 46? Oui, dans les années 40, oui. Ah oui, mais les années 40, quelle année? Là, pareil, hein, c'est toujours la même réponse. Ce qui est sûr, c'est que quand Alexandre Jacob est jugé, la presse va faire un scandale sur le financement des avocats de la bande des travailleurs de la nuit. Hein, comment ces avocats du barreau de Paris, et c'est ce qui provoque l'expulsion des travailleurs de la nuit lors de la 6e audience, comment c'est des as du barreau quoi, qui sont là et qui défendent les travailleurs. Hein. D'ailleurs, on retrouvera dans les écrits la correspondance de Jacob avec l'un d'eux, maître Ernest Lafont, qui est depuis devenu député des Hautes-Alpes, qui a été l'avocat d'Alcide Adair. C'est pour ça que Jacob l'appelle cher camarade quand il lui écrit la lettre. Non, mais c'est vrai que les anarchistes avaient une certaine aura à cette époque-là par rapport à énormément d'intellectuels et en particulier de tout un milieu artistique. Hein, par exemple, qui se refuse à condamner la bande à Bono. Hein, un peu plus tard, on le verra. Non, mais ils sont d'accord. Vous avez encore des questions? Non. Des commentaires? Bah enfin, c'était Lucio Uturbia quoi, qui avait fait couler une banque, une des plus grosses banques américaines, en faisant des faux traveler checks, où il n'avait jamais eu un rond. Enfin, c'était lui, il travaillait, était maçon, il faisait son travail et tout. Et il a même eu de l'argent en dédommagement pour qu'ils rendent les plaquettes et tout. Enfin, c'était un joli coup, quoi. C'était bien, quoi. Et tout ça pour aider, ouais, la guerre d'Espagne. Il avait filé il avait proposé des faux dollars à Che Guevara qu'on n'a pas voulu parce que c'était illégal. Et enfin, voilà, plein de... Ouais, il avait pas mal de choses, quoi. Il était venu nous expliquer tout ça à Marseille, d'ailleurs. Je vais poser la question, comment se fait-il que c'est Bernard Thomas qui a fait votre bouquin? Il m'a dit, je suis allé travailler chez Bernard Thomas pour faire des travaux de maçon. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés en relation. Oui, oui, oui. Non, de Lucio. Clotaire. Bon, je vais le mettre devant ma bouche. Est-ce que quelqu'un pourrait me préciser, toutes mes lectures sont très anciennes, qu'il était tellement devenu expert en matière de perçage de couvre-fort que le Lloyd hollandais s'assurait ses services quand elle doutait de l'authenticité du viol du coffre-fort. Et alors, paraît-il, il ne disait pas... Qu'il ne connaissait pas la personne qui l'avait forcé le coffre-fort, mais et il disait ça c'est pas du travail de professionnel. Alors après les compagnies se débrouillaient, mais il était rétribué pour ça. Est-ce que c'est vrai? On n'en sait rien. Aucune source, aucune confirmation fiable. Les pirates internet ont été récupérés par les banques pour... Est-ce que vous avez des questions, surtout oui, là-bas au fond. Oui, bonjour. Oui, c'est un peu l'époque où les gens se racontent, des gens comme Lucio ou comme Gilbert qui vient de le faire là. Mais je pense qu'il y a, je pense qu'il aurait été bon d'élargir un peu le truc sur l'illégalisme qui s'est produit dans les années 70. Et c'est pas le fait d'individus, mais d'histoire collective. Hein. Et je pense que Lucio, c'est pas un héros. Je crois que c'est un peu gros de raconter cette histoire comme ça. Je pense qu'il a pas fait ça tout seul. Donc. Il y a des tas de compagnons qui ont traversé les années 70, qui ont fait de la prison en Italie, en Espagne, un peu partout en Europe. Donc c'est pas une simple histoire individuelle, c'est des histoires collectives. Voilà, donc c'était de rappeler cette chose-là et de dire que le mouvement libertaire était partagé sur ces orientations entre ceux qui acceptaient que certains courants pratiquent l'illégalisme et d'autres qui critiquaient cette forme de lutte. Voilà, donc il y a aussi l'aspect qui sort de 68, c'était le refus du travail salarié. Et ça, c'est voilà, donc c'est des choses à éclaircir et à expliquer un peu plus profondément. Voilà. Je peux répondre à ça. Alors en l'occurrence, bien sûr, moi je suis entièrement d'accord avec cette précision. Faire de Lucio un héros isolé. C'est complètement con parce qu'il ne l'était pas. C'est tout à fait un procédé journalistique, mais par ailleurs, ça permet à Lucio de parler de lui sans mouiller trop d'autres personnes. Donc le problème, il est là. Quant à Gilbert, c'est pareil. Gilbert, il parle de ce qu'il connaît en essayant de ne pas parler de ce qu'il connaît aussi. Bon, alors, pour être simple, le problème des années 70... Nous ne pouvons pas faire d'histoire collective comme il faudrait le faire, parce que contrairement, moi je pense que la prescription, elle n'a pas lieu. Et qu'il y a des gens qui risquent leur tête, leur vie, ou bien simplement quelques jours de tôle. Ou même des grosses amendes, ou même tout simplement des emmerdements. Toujours aujourd'hui. Et pas des gens même qui ont fait des trucs extraordinaires. Hein. Mais c'était tellement large, le soutien dans les années 70 à l'illégalisme, c'était tellement immense que ça mouille beaucoup, beaucoup de monde. Et donc, c'est une question à laquelle on a souvent réfléchi aux personnes qui s'intéressent à ça, voire qui étaient à l'intérieur de l'illégalisme, en se demandant, mais comment on peut faire ? Eh bien, pour l'instant, ma réponse à moi, c'est qu'on ne peut pas la faire, cette histoire. Parce qu'on engage trop de monde. Et qu'on ne peut pas engager un individu unique. Quand on engage un individu unique, ça donne Lucio, au mieux, d'une réussite commerciale. Ça donne Gilbert, ça donne deux ou trois qui ont essayé de parler. Mais finalement, ça dénature l'histoire. Et si on commence à raconter collectivement la réalité de la chose, eh ben, on entraîne la moitié du mouvement, si ce n'est sa totalité. C'est vrai que le mouvement anarchiste, à l'époque de Jean Grave, c'était déjà ça. Depuis les lois scélérates, le mouvement anarchiste officiellement dit « nous, on n'a rien à voir avec ça ». Et officieusement, toujours, il a toujours fait ça, y compris les pontes qui nous semblaient les plus rébarbatifs. Il a toujours fait ça, par en dessous, Louis Lecoing qui amène des armes à l'Espagne, machin, machin, machin, en disant « j'amène des baguettes de pain », etc. Et ils ont toujours fait ça. D'un côté, ils disent « nous ne sommes pas les auteurs de ces forfaits que l'on reproche méchamment à ces vilains anarchistes », et de l'autre côté, ils les soutiennent. Et heureusement, il vaut mieux les soutenir par en dessous que pas du tout, me semble-t-il. Bon, ben oui, enfin... Bon, mais voilà, il me semble que je suis d'accord que c'est ça exactement le débat. Bien entendu, la question collective du mouvement anarchiste avec l'illégalisme et surtout dans les années 70, sauf que je ne vois pas comment on peut réellement la traiter. Voilà, cette question, il me semble. Moi, je voudrais intervenir. Je voudrais intervenir, je suis en accord avec le compagnon, je pense qu'il y a une certaine forme d'hypocrisie, c'est-à-dire même à l'époque, c'est-à-dire il y a eu entre autres l'intelligentsia, c'est-à-dire anarchiste, qui a voulu se démarquer un petit peu de l'illégalisme. Je pense par rapport à la réponse, c'est-à-dire que tu donnes, je regrette un petit peu ces prises de position qui persistent également actuellement, c'est-à-dire il n'y a pas, c'est-à-dire un courant anarchiste, il y a des courants anarchistes au pluriel, et il y a eu depuis un certain temps, et en remontant très très loin, une certaine forme de démarcation, c'est-à-dire y compris de l'intelligentsia anarchiste par rapport à tout ce qui touche l'illégalisme, qui est partie prenante un petit peu de l'action anarchiste à travers le temps. Et par rapport à la période que faisait allusion le compagnon, elle reste à écrire. Il faudrait se pencher, ça fait partie de la mémoire collective. Mais moi, ce que je regrette, c'est que de la part du mouvement anarchiste, il y a toujours cette fausse pudeur, le fait de se voiler la face, c'est-à-dire comme si ce courant n'existait pas, on essaye de l'ignorer et surtout de ne pas le prendre en considération. Ça date hier et ça se perpétue à l'heure actuelle. Je le regrette. Bien, alors déjà, ce que tu viens de dire en dernier, c'est pas vrai, la preuve aujourd'hui, on en parle. Ensuite, on peut pas reprocher à des gens qui ne sont pas d'accord de le dire, et moi je suis tout à fait d'accord pour l'admettre. Il y a différents courants dans le mouvement anarchiste, ça fait déjà plus d'un siècle de ça, qui se sont fractionnés, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que l'illégalisme a été transcourant, il y en a eu dans tous les courants, hein. Que ça soit chez les anarcho-syndicalistes, les communistes libertaires, et on pourrait citer des cas, bien sûr, mais on ne peut pas le faire parce que... hein, bien entendu, les individualistes. Je pourrais ajouter quelque chose là-dessus. Au niveau du financement du syndicalisme, en Italie, Mano Nera, bizarre, Mano Negra en Espagne, c'était la reprise individuelle. J'ai pu rencontrer un des Nosotros de Durruti, réfugié à Rennes. C'était le plus grand joueur de cartes espagnol, Ramon Mestre. Je vais donner son nom, il est mort. Bon. Non. Et il a fait du petit commerce aussi, comme ambulant après la guerre, qui faisait partie de cette équipe. Bon, il avait gagné plein d'argent aux cartes aussi, c'est un joueur de cartes extraordinaire, et on joue, tout le monde sait qu'en Espagne on joue beaucoup d'argent avec les cartes. Et cet argent-là, il le donnait à la CNT. Il a fait partie de l'équipe avec Durruti, qui cambriolait les banques pour financer les activités de la CNT FAI, ils ne sont jamais cachés. À savoir que pour financer le mouvement, nous pratiquons l'illégalisme, et c'était évidemment pas déclaré, mais c'était effectif, à commenter par Durruti, Ascasso, Jouvert. Sans impôts. Donc, il a toujours été dans le mouvement. Il y a Antonia qui veut parler. Je parle des Espagnols. Le danger que je vois maintenant, c'est d'en faire des héros. Hein? Des héros. Tu voudrais, moi, non. Des personnages comme ça. Parce que je vois le danger dans la jeunesse. Ce n'est pas une école à imiter. J'étais à Barcelone en 2003-2002, je crois, pour revendiquer, pour se rappeler de Parque Güell 1917 ou je ne sais pas quoi. J'ai entendu parler des jeunes revendiquer donc de rien foutre, de cambrioler dans les supermarchés et tout cela. Hein. Et je vois les... Et maintenant, je ne sais pas s'il est en prison, hein, pour revendiquer ses façons d'être. Il se contentait... Bon, je ne sais pas ce qu'il a fait, c'est la commune. Je crois que je regrette. Hein, mais je vois le danger maintenant. Et l'intérêt de tout, parce que ça a toujours, c'est commercial. Et si on parle de l'anarchisme, au point de vue officiel et les historiens, c'est toujours dans cet aspect, et pas de l'autre anarchisme. Et c'est là que je vois le danger de revendiquer comme des zéros, non, si, des personnes comme ça. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai connu... il m'est arrivé de connaître en trois occasions de voir à Sabaté, de voir à Facerias, d'avoir avec des groupes. Je n'ai jamais voulu, malheureusement, j'aurais pu tomber, parce que si moi je n'en touchais rien, je ne voulais rien toucher au point de vue de ce qu'ils arrivaient, même seulement à Barcelone. Il y a beaucoup en Andalousie de personnages que vous ne avez jamais entendu parler, et qui se sont engagés, autant comme l'a fait Sabaté, mon compagnon qui était andalou aussi. Il disait, on parle toujours de Sabaté et de Facerías, on ne parle pas de cela en Andalousie. Il y en a où, en hein. Italie aussi. Oui. Mais toute la résistance qu'on a voulu quand même faire quelque chose, ça tombait à l'eau. On a perdu beaucoup de compagnons. Et moi-même, je n'avais parlé avec Carvalheira aussi, qui a été tué à Montjuïc. On avait parlé, pourquoi pas essayer, parce que c'est vrai, quand il fallait faire même pas d'organisation, et ça arrivait non plus, parce que l'exil, il ne pouvait pas non plus maintenir cette résistance à l'intérieur. Et quelquefois, ça tombait dans la police, et s'y amenait un petit peu d'argent, il est dans la poche de la police. Donc, ils ont fini, ils ont voulu créer la résistance, le MLR, et faire aller à les banques. Ce qui vraiment a fait un travail d'assaut aux banques, c'était surtout Sabaté. Et il l'a fait, je l'ai entendu, c'était un type que si on l'entendait parler, ce n'était pas pour lui. Et je comprends qu'il y a beaucoup de jeunes, que, et moi, dans cet aspect, je l'ai revendiqué, même si je n'étais pas en accord avec lui. Hein? J'écris même un article parce que ça nous a vraiment troublé quand on a parlé avec lui longtemps, c'est-à-dire que j'ai connu tout ça, mais ça n'a pas duré longtemps, ça tombait à l'eau, on a perdu beaucoup de copains, et j'estime que la forme de faire quelques questions valables, c'est une autre, et que c'est un danger, et qu'au point de vue commercial, tout le monde sera d'accord pour publier l'anarchisme dans cet aspect, mais pas dans l'autre. Je suis d'accord avec Lucio Fabri et sa critique. Si je puis répondre, je dirais simplement, querida Antonia, je dirais simplement que tout ça est question de circonstances, d'époque, de façon, c'est une question stratégique. Sinon, pour ce qui est de la morale révolutionnaire, il est bien entendu que dans un monde comme le nôtre, le vol est non seulement permis, mais encouragé, enfin redevré, du point de vue de ce qu'on pourrait appeler entre guillemets une morale révolutionnaire. Ce qui est interdit, c'est de se faire prendre. Merci, merci. Oui, Gilbert, je voudrais revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur la pratique de l'illégalisme comme phénomène transpolitique. Enfin, disons que beaucoup de mouvements politiques. Bah, je ne peux pas m'étendre au-delà. Je sais pertinemment que je connais des gens qui sont de telle ou telle tendance qui l'ont pratiqué. Et ça va bien au-delà, puisque ça va jusqu'au nationaliste. Même, voilà. D'accord, évidemment. Mais je voudrais pratiquer un distinguo. Peu importe. Les gaullistes, avec le sac, faisaient des braquages aussi, voilà. Il y a 30 ans, dans la région. Ouais. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Seulement, je cherchais à établir un distinguo entre la démarche de ces nationalistes, de ces gens, des communistes, etc., qui ont pratiqué l'illégalisme et l'illégalisme anarchiste. Et moi, je vois cette idée, c'est que outre le fait d'essayer d'avoir des subsides et de financer la lutte, il y a aussi un volet, disons, philosophique dans le geste qui consiste à remettre en cause le droit de propriété. C'est-à-dire que je vole parce que je ne reconnais pas le droit de propriété, ce qui n'est pas le cas des autres mouvements. Hein, il est bien évident que la droite reconnaît évidemment le droit et défend le droit de propriété. Donc c'est ça que je voulais dire. Quoi. Est-ce que vous êtes d'accord, enfin, je sais pas, d'établir ce distinguo entre l'illégalisme anar et l'illégalisme, disons, extérieur? Oui, bien entendu qu'il y a un distinguo, mais c'est on ne joue pas dans la même cour non plus. Hein. C'est souvent des petites choses. Pour les travailleurs de la nuit, c'était 150 cambriolages. C'est quand même en 3 ans, c'est quand même pas mal. Hein. Surtout qu'ils ne sont pas tous connus. Hein. Non, sûrement pas. Ça ne devait pas leur apporter de quoi se payer un salaire minimum qui n'existait pas à l'époque, mais certainement pas. ça peut être un palliatif, pour revenir à ce que disait Copain au fond, pour certaines époques, éviter d'aller se faire exploiter à l'usine ou autre. Mais bon, ça dure pas longtemps là, parce que le risque de les risques pris sont trop grands, et puis bon, la marginalisation est aussi un autre risque, de mon point de vue. Ah, surtout aujourd'hui. Ah ben oui, ça n'a pas duré longtemps. Moi, j'ai pas fait ce choix-là, j'ai toujours eu un boulot, puisque maintenant je suis retraité et j'ai une retraite. J'ai tous mes trimestres validés, et maintenant on reste à discuter le montant. Maintenant. Oui, maintenant, oui, effectivement, du côté de Jacob aussi, et on retrouve chez lui la définition de l'honnêteté, puisqu'il dit que l'honnête homme est un criminel qui a réussi. Et c'est là où je suis pas vraiment d'accord avec toi quand tu dis qu'il théorise pas le vol. Si, il le théorise, et c'est bien justement ça, quand il parle de sa justification des vols en tant que prostitution. Il refuse la prostitution du travail et il refuse de s'abaisser à la mendicité. Il le justifie. Mais justement, et il le justifie d'une matière politique, ça s'appelle une théorie. Il le justifie, et ça théorise même, de manière anarchiste. Et ça va même plus loin, puisque en 1916, quand il est au bagne, il entreprend des études de droit, à tel point qu'il en donne cette définition de l'honnêteté que je viens de te donner. On est fatalement dans une théorie du vol, une théorie anarchiste du vol. Maintenant, c'est un pragmatique, il n'empêche que le vol fait vivre aussi. Non, mais c'est vrai. Tu as raison. C'est une théorie pratique, mais en tout cas, c'est bien selon les canons de la propriété privée de tout. Enfin bon, enfin oui. Non, il le dit explicitement plusieurs fois. Hein, il attaque. Oui, il attaque la société dans capitaliste. Là où ça fait mal aussi, pour les bourgeois, pour les individus, c'est-à-dire, c'est ça, c'est une pratique théorique et une vraie praxis, quoi. C'est une pratique, d'accord. Alors, je suis d'accord, je comprends théorie. Je vais en discuter tout à l'heure avec un verre à la main. Non, je ne voudrais pas enterrer ce débat, parce qu'effectivement, on n'a jamais de débat sur l'illégalisme. Bon, et donc, pour une fois qu'on en a, je trouve que ce n'est pas le moment malheureusement, de limiter. Sachant qu'il n'y aura désormais plus jamais d'amnistie. Bon, attends, je termine. Si vous le souhaitez, ça peut se faire, disait Gilbert, autour d'un verre, par exemple, en tout cas. Des définitions du vol, il y en a plusieurs. Des définitions de la pratique, on va dire, collective et politique du vol, il y en a plusieurs. Et ce n'est pas les mêmes cours selon là où on se positionne, ça c'est certain. Et même à l'intérieur du mouvement anarchiste, des mouvements, si tu préfères. Bon. Il y a plusieurs définitions et même plusieurs pratiques. Et même plusieurs pratiques différentes et distinctes. Alors, voilà. Et qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'on appelle illégal, etc. Voilà. Alors. Attends, moi, je vais dire quelques mots sur ce sujet de bon. Moi, je suis là. Partisan, par exemple, comme dit quelqu'un MDAI, je suis partisan de la non-violence comme technique de libération. Alors, je ne sais pas si vous avez lu, ça vient de l'édition de Libertaire. Et moi, je suis de ce courant, parce que, par exemple, ce que ça porte toi à l'anarchisme, là, c'est que, par exemple, la question de la bande de Bono. La question de l'anarchiste cambrioleur. Tout ça, vis-à-vis de la société, ça donne une mauvaise image à l'anarchie. Alors, je suis contre ce système de procéder. Ça, l'anarchiste, par exemple, à un moment donné, là, il a pas progressé en plus beaucoup de répression. C'était à cause de cette réclame. Non. Alors, je pense. Hein. Alors, le cas de Dorothy. Moi, je sais pas, le cas de Dorothy, il a fait. Bon, il a été en prison en France. Après, il a été libéré. Il a fait un vol. C'était pour donner l'argent au mouvement anarchiste français. En Espagne, il a fait aussi deux ou trois. Mais c'était pour aider le mouvement. Mais après, ça finit. Après, ça finit parce que, attention, il commence beaucoup pour dire moi, je suis voleur anarchiste. Il donne une faute pour l'organisation. Et après, il vient de voleur professionnel. Et ça que ça porte tort à l'idéal anarchiste là. Alors, l'anarchiste, je crois qu'il doit donner l'exemple. C'est pas en faisant voler ou en jetant des bombes à tout bas, à droite et à gauche. L'anarchisme doit donner l'exemple de sa bonne conduite, de travailler, il est honnête. Voilà pourquoi je dis, je suis contre le procédé de jeter des bombes comme ça n'importe comment et aller voler comme ça, un spécialiste de coffre-fort et tout ça. Alors, c'est une image contraire à l'anarchisme, ça. Et je proteste contre cette image. Une image. Voilà. Je dis. La réalité, c'est autre chose. Voilà un exemple. Alors, voilà un. Ben, c'est un exemple, c'est pas n'importe quoi. Attends, mais donnez-lui un micro. Un micro. Justement, Jacob a dit à Métrange, je pourrais citer des centaines de cas où on est parti parce qu'on a vu une présence et qu'on ne voulait pas semer sang et on ne voulait pas faire œuvre de violence. Donc c'est pas forcément... Oui, non. Attention, la question de la violence est une chose. Oui, il ne faut pas tout comprendre. La question de la violence est une chose. La question... de la réappropriation, de la reprise individuelle, comme l'a dit Gilbert, etc. Chez Jacob, il y a les deux choses, hein, très anarchistes l'une et l'autre. Il y a la propagande par le fait, parce qu'il fait aussi de la propagande, en reprenant individuellement, en attaquant directement son ennemi, la bourgeoisie, de l'État capitaliste, qui met... Voilà. Et bon, alors, il renonce à la violence pour des raisons tactiques, d'ailleurs. Hein. Il n'est pas si bête. Mais quand il se défend, quand les flics l'attaquent, il se défend. C'est normal. Que faire contre des gens qui sont payés contre les mercenaires. Bon. Je voudrais ajouter un tout petit chose, c'est que donc il y a 35 ans à peu près, j'ai découvert dans le bouquin sur la vie de Jacob, toujours celui de Bernard Thomas, puisque c'est celui-là qui sortait à l'époque, des éléments qui m'ont certainement permis de mieux maîtriser les choses. Et c'est dans le même esprit que je fais cette intervention. Et pas pour inciter personne à le faire, parce que ça, c'est même pas la peine de... On peut pas le faire, ça. Les gens ont fait leur choix avant, mais il faut faire... faut prendre certaines précautions. Voilà. Est-ce que vous voulez chanter la chanson de Jean-Baptiste Clément, Allons à la banque? Allez. Oui. Bonsoir. Au départ, c'était deux petites notes sur un texte, et puis j'apprends qu'il faut la chanter tous ensemble. Écoutez. Alors ça propose d'aller se promener, éventuellement s'il n'y a pas le couvre-feu à Marseille ce soir, et il y a pas mal de banques, hein. Alors après les gens ils font comme ils veulent. Bon, ouais, c'est pas évident. Alors j'ai pas de choses là. Voilà des mois qu'on ne fait rien, cependant comme un galérien, on arpente la capitale. Et sans une croûte à ronger, l'estomac bat la générale. À la porte du boulanger, il est grand temps les enfants d'aller faire un tour à la banque. Il est grand temps, les enfants, le travail manque. La faim a gagné les faubourgs, ça ne peut pas durer toujours, car les femmes crieraient tant pire. Quand nos enfants veulent du pain, c'est pas possible de leur dire, nous vous en donnerons demain. Il est grand temps, les enfants, d'aller faire un tour à la banque. Il est grand temps, les enfants, le travail manque. On jeûne et l'on est endetté, tout est au monde de piété. On couche à même la litière. On a mis jusqu'au drap de lit, et l'on a beau pleurer de misère, les marchands ne font plus crédit. Il est grand temps, les enfants, d'aller faire un tour à la banque. Il est grand temps, les enfants, le travail manque. Il paraît que les financiers, les commerçants, les usuriers sont logés à la même enseigne. Ils font faillite à qui mieux mieux. Les pauvres gens, le cœur m'enseigne. Si nous pouvions faire comme eux. Il est grand temps, les enfants, d'aller faire un tour à la banque. Il est grand temps, les enfants, le travail manque. Ne serait-il pas plus moral, pour mieux remédier au mal, de troubler un peu l'existence des Crésus et des ripailleurs qui condamnent à l'abstinence la famille des travailleurs. Il est grand temps, les enfants, d'aller faire un tour à la banque. Il est grand temps, les enfants, le travail manque. En bonne comptabilité, il est de toute utilité qu'on nous ouvre un peu ce grand livre, pour que nous connaissions en cas ce que nous faisons si bien vivre alors que nous ne vivons pas. Il est grand temps, les enfants, d'aller faire un tour à la banque. Il est grand temps, les enfants, le travail manque. Tous les gouvernements défunts ont bien contracté des emprunts, puisque la crise est générale. faisons notre emprunt ouvrier. La République sociale signera les bons à payer. Il est grand temps, les enfants, d'aller faire un tour à la banque. Il est grand temps, les enfants, le travail manque. Moi, je n'en avais jamais entendu parler avant cette chanson. J'ai trouvé très bien. C'est pas du tout. Très bien. Voilà, si vous voulez continuer les réjouissances autour, enfin dans la salle d'à côté, autour d'un buffet, voilà. Bon, alors, dans un premier temps, il y a un apéro qui est offert par le CIRA. Et après, il y a un repas qui est appelé.